أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونجينا بنسانة سنو بروم سبحانه وتعالى دي جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ni len di nuyu di len ziar jeno assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bon inshallah ñu dal di continuer fi ñu yemon ci résumé fathul hakim al-allam lima fi bulugh al-maram min al-fawaid wal ahkam bi sunu serigne cheikh mohammed al-mustafa radiyallahu ta'ala anhu warda gison nañu ñu ngi won ci partie masailul fiqhiyya gisone nañu ba aksi won ci jotaay bi wessu jeexalon nañ couple masala hadith yi nga xamne ben la won sax moy hadith sayyidatu aisha bi doon wax ci walu mani radiyallahu ta'ala anha tay ñu warona continuer ci masala fiqh yoyu ba legi waye ci hadith bi ci teggu won moy hadithu sayyidina abu samh radiyallahu anhu kon ba legi ci بلوغ المرام من أدلة الأحكام بو إمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها قال إمام الحافظ رحمه الله من وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغنم أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم قال لول مورن حديث بوب منكون وعن أبي السمح مونجي جليتي صحابه بنان أبي السمح رضي الله عنه أنه قال من موم نينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من داول يالا لي صلى الله عليه وسلم نينا يرش من بول الجاريه يغسل من بول الجاريه داني رخص تي لو خامني تور ندوخ لير بو جيجين بو ديني دافا تور ندوخ تي في مودال تي مبالان ولا لامباي ولا ييري muna wayu rashu dañuy wis min bawlul ghulam ci lo xamne budé tour ndoxu xalelu gor la muna hadith bobu akhrajahu abu daud muna imam al imam abu daud as-sijistani rahmatullah alayhi moko solo wan nasa'i ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhima muna wa sahhahu tawiral na hadith bi al-hakim imam al-hakim an-naysaburi rahmatullah alayhi a hadith bobu non gisone nagn ci lo tolo fukki masail moy 10 masala fiqhiya yo xamne gisone nagnou ko ci bi ju nekkon mo dal lan moy atay tour ndox lan moy atem bi ju tegu won monon an lan moy atay tour ndoxu bayima yi ana lan moy atay sen tour ndox comme fas wala khar wala mbam khoux wala ganar yoy yep moy façon ki num tudu ñom gelem sen tour ndox ana lan moy sen atay bi ci tegg won di ñettel bi moy lan moy atay tour ndoxu ab lire ñettel bi mo don ana xale bi ñi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax fi al ghulam lol ci lan lañ koy teñké est ce amna at yo xamné ak nan lañuy xamé né ah xale bi dé bokatul ci ñooñu ndax dané wa yurash min bawl al ghulam dañi wiss ci lo xamne boudé tour ndoxu xalé bu bour la mais xalé bobu moy est ce que n'importe qui ndax comme ko khulam dañ ko utiliser même nit des majeurs ñu nane ko khulam est ce que dañ nane kon khulam dal kon loy lol dañuy soxlo kon xam nan lañuy ci yam cadre lañuy xamé né a diw kat ñom diw ñi bokatuñu ci voilà lol moy ñentel juromel bi moy lan moy sagesse bi nek ci différencier bi bi hadith bi comme nim ci léré digënté tour ndoxu xalé wu jigen ak xalé wu goor lan moy sagesse bi li ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi 6e bi mo non lan moy atté comme yi melni ci tour ndox la hadith bi wax waye dafa am yenen yo xamné ay ramification la yo xamné day concerner hadith lu melni khalas moy gal lan moy atté gal bi ci tagu di jurom ñaarel bi moy lan moy atté bi top waccu lan moy atté bi nga xamne mo ci teggone muy 8e had masala bi mo don ana lan moy atay rongogne yi nga xamne rongogne rongogne ana lan moy atem ginaaw lolu jurom ñentel bi moy ana lan moy atay wextan yi ñi fekk ci bir bayyi may comme xariek yoyu bo yi ngi fekk lan moy sen atay bi ci mujjone moy ana lan moy façon sobe yi nga xamne dañ leen di geegalé ndax hadith bi dañuy gis ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam le fait que mu def différence entre xalé wu jigen xalé wu goor moy ah buñu gisé surtout masala yi ci bir dañ gis ne ak woyofal mo ci ne ak woyofal woyofal bobu legui d'une façon plus générale ana yan moy sobe yi nga xamne dañ leena woyofal moy ay sobe lañ ga mais dañ leena woyofal moy ne duñ yor atté comme si sobe bo xamne atté woyofal tebuul ci kawam kon lool mo doon masala yoyu lañ wara gis inshallah taala kon bi ci ñëk moy ana lan moy atté tourno nga masala bi mom masala bu ñu gisoon la bu yagg gisone nagn ko ci hadithu kaw kaw masale bi gisone nagn ko moy hadith 10 bi gisone nagn ko waye rappel lay don kon lan moy atté tour ndox borom xam xam yi rahmatullah alayhim daño ijma la ci ñom kené atté tour ndox moy dafa nek lo xamanteni ni dafa sobe wu lol moy atté bi nga xamné borom xam xam yi rahmatullah alayhi wouté wuñu ci légui lan moy dalil yi nga xamné ci lañ tek talo ngir wax né atté tour ndox moy dafa sobé wu muy hadith yu bari yo xamanténi ni comme biñ tuddu légui muy hadith sayyidina anas bobu ta muttafaqun alayhi la imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko bok solo bimne jaa arabiyun dafa am ben kaw kaw bu ñew radiyallahu anhu mu dal di tour ndox ci teggu ben ci teggu jakke ji mu ne nit ñi dal di jog ngir dal di koy sax saxé yonent bi alayhi salatu wassalam ne bu len ko def dara la tuzrimu bu len dag ay tour ndoxam bayi len ko wam paré bim paré mune djel len outal len ma récipient wu ndox ñu jox ko mu dal wax ñu soti ko ci lolu day wone ne limu nek lu sobe wu motax que ne waxu ne no grawul mok ndox mu fi touro yem le fait que nak mu soxla lolu ba ne nañ out ndox dal di ko ci soti lolu day wone ne kon ay tour ndox du lo xamantene ni la moy labul ba paré bim paré mu wax ak mom wax ak kaw kaw bi ne ko fi ni negu yalla la li fi meuna nek moy duñuy fuñu tuddé yalla yoy yu mel non lañ fi meuna lañ fi def waye du pour defu ka yu yi nga xamné dañoo salté kon ci lañuy xamné kon lol day wone ne tour ndox kon sobel ñune am nañ benen hadith moy hadith sayna abdullah ibn abbas bi tamit radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne moy wax ci borom bammel yo yele yonent bi alayhi salatu salam rombon mune ñaar ñi de innahuma la yu'azzaban wama yu'azzabani fi kabir mune gis nga ñi ñaar ñi ni ñaari bammel yi de ñu ngi leen di mbugal waye li tax ñu leen di mbugal du lu reuy après mune lu reuy la sax moy du lu reuy ñom biñ koy def pour ñom doonu won dara lu woyef la won mo je veux me soulager taxaw fi def ko mu jeex ñom non lañ ko jappé won duñ ci bayeen ci xel est-ce que samay yéré après ni may julle yoy seen yon newu ci mune lolou côté bobu motax mune du lu reuy mais bu ne si lu reuy la moy que ne effectivement lu reuy la ndax lo xamné mbugalu bammel dakoy waral ndax likoy li wone ndakoy waral motax moy le fait que lolou dal len ak boy julli yoy yit ne ci nga xamné dara leru la ne ki nit ki julli nonou yere yim sol kokou manula la c'est sûr mune kon lolou hadith bobu nonou nga xamné ñak samontek di topoto yoyu tour ndokh yi fuma laale num may laale num moy genn ci man sama yon newu ci lol day mu waral mbugalu bamé lol day wone ne kon budul won lu sobewu budon lu lab la ay mbugal du ci warali mbugal ñune am nañ benen dalil balegi muy hadith sayna abdullah ibn mughaffal bi nga xamné gisoon nañ ko tamit ci hadith bi ñu doon gis hadithu wa an rajulin fofu yi tudon nañ hadith bob ah mu nek ci sunan ibn majah rahmatullah alayh bim yonent bi alayhi salatu wassalam nan moy tanuko len moy tanum ko wala moy mi bim nan fa inna ammatal waswas min voilà mune moy tane ko len de len faire attention di moy tane ko moy tour ndokh istanzihu min al bawl fa inna ammatal waswas min ammatal waswas min moy ñi nga xamne dañuy taxaw di tour ndokh comme fi ngay ak fi ngay sango ndax fo doon wax comme ki nga xam day taxaw di tour ndokh non muy ci baye xel ndax yoyu nonu mu ne ndax dalay indi ay jax jaxal après yu bari da ciy tukke ah lolou yonent bi alayhi salatu wassalam don moy tandeku lolol mu don wax waaw kon moy tandeku len de len moy tandeku minal baw istanzihu minal baw munefa in ndax day indi ay jax jaxal yu bari budé doko topatu doko do ci baye xel ndax man nga dem boy julli iblis ne la bon yow gis nga sa yere bi ngay julle sank bi ngay tour ndox yow est ce set lu nga ni nga def légui yow bo commencé ta bo démé bo tamé non après buntu la lay ubbil bo xamné bum lay jaaré tout temps mou la ci jaaré ba danaka ba la nga julli sax waxtu yu wessu ñune ñun hadith yi ni yépp dalilu moy wa ijma la ñom ñep ñoo ci d'accord que ne loy yeb day tek tale que ne tour ndox atem moy dafa sobew legui nak mu dess tour ndoxu ñi nga xamne kon deuxième laaj bi moy ana lan moy atté tour ndoxu animaux yi d'une manière générale mais animaux yi dañuy xam dañu leen di diviser ci ñaari parti moy animaux yi nga xamne ñom dagan nañu lek sen yap ak animaux yi nga xamne sen lek sen yap dagam ah lol moy lol bu deme non après ci la atté yi gina léré légui kon buñu xamé né kon ñaari yoy mo am té yoy animaux yoy façon yi ñi lek ak yoy waxon nañ ko ci gisoon nañ ko ci hadith yi wessu par exemple buñu xamé né kon ñay wala gelem wala gaynde wala yu mel ndax dañ koy lekum diit buñu xasse xamne dañ koy lek legi ñu xamne kon xar de comme ko dañ koy lek kon atem moy atté ñi wax fi ñu né ñay mom duñu ko lek ñu xamné kon kon atté tour ndoxam moy atté ñi wax fi ak yi melni mom ta kanta yi nga xamné duñu lek seen yapp yo ñoo yu ñëk comme ñu tuddu légui muy mbam xux xaj gelem no man gelem waji ñay ñoonu yu mel non yoy borom xam xam yi rahmatullahi ñom ñepp depo dañu ijma la ke ne ñom sen seni tour nok dafa sobew moy animal buñ dul lek yapam bu ne ay tour nokam dafa sobew legi wax joju imam imam ash-shawkani rahmatullah alayhi mo wax mom wax ju wute ak wax ji mom mo wax le contraire moy ne dal animo yi mom jappul ne correct li li ijma bi wax ni danaka borom xam fam yeb wax ke ne animal buñ dul lek yapam bu ne tour no xam sobe la mom mu ne dedet mom d'accordul ci wax joju di imam ash-shawkani rahmatullah alayhi ndax mom dafa gis ne mom côté mom da fay joxal côté al bara'atul asliya da fay japp ne dal yenn ni dal bu amul texte dal dañuy japp ne affaire bi ci tosan mbir bi dal dafa la comme que mais waxu jumhur rahmatullah alayhi wa moy écrasant ñi ci dess ñep lool mo gina deugal inshallah ndax yonent bi alayhi salatu wassalam dañuy gis ne hadith yi day def différence entre tour ndoxu lo xamne dañuy lek yapam ak luñ dul lek yapam lolou différence la bo xamne hadith yi dañ koy def wa jumuur na yoy yeb lolou lepp day wone ne kon de ce fait que ne lolou moy ne kon anim bepp animal bo xamne duñu lek yapam li nga xamantene moy tour ndoxam day nek lo xamne sobe lay doon légi nak mu dess benen parti yenen animaux yi animaux yi nga xamne kon dañuy lek sen yap ñom lan moy atté sen tour ndox bobu borom xam xam rahmatullahi dañ ci diviser wu ci ñaari parti ku melni hanafiya yi rahmatullahi ak shafi'iyya yi rahmatullahi ñom dañu ne mo biñu genné yam rek moy ne tour ndox luñuy lek sen yap ak buñu dul lek sen yap ñoyem atté moy ne dañu sobé wu moy ben lañu légui lool moy avis bu ñëkk bi légui maliki yi rahmatullah alayhi ak hanabila yi rahmatullah alal jami' ñom ñu ne ñun nak andu ñok wax joju andu ñu ci wax joju ñun liñu gis moy ne animal yi lekk seen yap ñom seen tour ndox nekkul lo xamne sobe wuul moy lu lab la ta inshallah moy li ni abi bi lañ deugëralon ci shara bi legi nak kon wax ji fat moy ana legi seen argument yu wone ne yeen seen wax ji mo gina deugër ana seen argument yu wone ne yeen seen wax gina deugër ke waxu bu ñëkk bi di hanafiya ak shafi'i rahmatullah alayhi ñom ñu ne ñun suñuy dalil suñu premier dalil moy hadith bi nga xamne sayyidna anas ibn malik radiyallahu anhu moko solo mu nek ci as-sahihayn ñu gën ko xamé ci hadithu al-urani moy ay nit ñoo xamne dañoo masona ñew madinatul munawwar ala sakinah afdalus salatu wassalam bokon ci ukal urayna ak wa ñooñu tribu yoy dal di won fa ñew biñu fa ñëwé yagguñu fa nonu après bon ñu am problème adapté wu ak climat bobu climat wu dëkk bi yonnentou maalihi sallam gis na bañu fébar ci yonnentou maalihi sallam dal di leen bolé ak ki nga xamné moy sam katam bi nga xamné moko don mo don sam gatti ngir mu dal di koy ñu andam ñom yepp ba ci biti mu defal len ban médicament bo xamné ni mi démé moy dañuy rat ci gelém yi soowu gelém yi dal di koy bolé ak tour ndoxu gelém yi bu ko defé ñu naan ko bu ko defé inshallah dinañu wër ñom ñu dal dikoy def dal di wër ñu né ñun lolu hadith bobu nonu ba ni mi jéxé suñu dalil la buy wone né kon animal buñuy lek yapam tour ndoxamam tour ndoxam du sobé ñu né len lu koy wone fi ñu né ah xana gisu ngeen li len li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax rat na ban médicament la len jox lo xamne moy soowu gilem bi lañuy bolé ak tour ndoxu gilem bi dañuy lek yapam wala den ñu né waw ñu né kon le fait que ñuy mëna utiliser tour ndoxam diko naan lool day wané né bu sobe won du ko du len ko jox du len wax ñu jox len ko ta mom mo né won te gisoon nañ ko ci hadith le wess que né suñu borom bi deful li nga xamne moy fajj xétam ci lo xamne da len ko haramal wala ci benen yenen version lo xamne sobe kon loolu ci lañuy xamane kon bu ne boole len meew mi soowum gelem mi ak tour ndoxu gelem bi kon loolu moy wanene du sobe ndax du len manulena du len faje lo xamanteni ni sobe la comme mom ni mu ko wax ñu ne am nañ benen yenen dalil ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne yonent dafa mom dañu mësa genn yonent ma lay sar sa ak mom legi bimu démé ci all bi mu dal di len après mu dal di koy wax mu dal di koy ëndil ay xéer mom mu dal di dem néna ma chercher trouver wu ma ñetti xéer ma trouver ñaari xéer ak lo xamantene néfaré mbam la ma dal di koy indi neena yonnati maalay salam dal di jël xéer yi dal di sanni li nga xamné moy néfaré jël mbam bi né li ritsul innama hiya rawtatu hima né li ni moy sobé la li ni néfaré mbam la ñu né lolu ñun liñ ci jëlé ñun moy né dañuy gis né kon hadith yi dafa def différence entre luñuy lek yapam ak luñ dul lek yapam da hadith bi ñu joggé sang muy bu gëlém bi bo urani yini yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa wax ñu naan ñu boole ci liñ leen di faje tour noxu gelem bi nañ japp xam nañ ne kon gelem dañuy lek yapam ñu ne waaw ñu ne legi hadith bi ni mu dal di rejeter ne sanni li nga xamne moy nefaré gelem mbam bi tam xam nañ ne mbam duñu lek yapam ñu ne waaw ñu ne kon lool day wone ne kon li joge ci sharia dafa def différence entre luñuy lek yapam animal buñuy lek yapam ak buñu dul lek yapam c'est clair ah légui ñune am nañ yenen ñune ndax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam biñu ko laajé né ko ndax dañuy julé am ku ñew laaj ko né ko usalli fi marabidil ghanam mono ko xala in shi ta ci riwaya imam abu daud rahmatullah alayhi ci riwaya imam muslim dan ko naam dan ko laaj ne ko ben way dafa ñew ne ko est ce man na julle ci geetu xari moy ganam yi xari ek beuy ek moy ñoon munelen muné ko ci benen moy benn version muné in shi ta bu la nexé ci hadith bi nek ci sahih imam muslim munako waw ba pare mom muné mom alayhi salatu wassalam sallu fi marabidil ghanam muné de julli len ci fi nga xamné moy fiñi fi gettu fiñi gatti fiñ len di yew ñune ñun hadith yi ni dañuy épauler contrairement à avis bu ñëkk bi ñu né lan la leen di épauler ñu né ak fiñuy jullé fo xamantene bu doon né lay génné ci ñom sobé la ndax gëttu xar yi mom ñëpp xam nañ né xar yi lañ fay def xam nañu fa lañuy né amuñ toilette yo xamné bu kiwé fa lañuy dem lool amuñ fofu lañuy défé seen besoin yi gëpp fofu lañ koy def légui bu dé charia da la permettre né la man nga fa jullé ki laaj mu né ko man nga ki nga xamne dafa ba pare mo ne sallu julli len fofu nonu lol day wone ne bu don ne fof day sobe moy lay genné ci ñom nonu sobe la kon doonu ko won diglé ta xam nañ ne ya fay ne nonu moy seen dafa dañoo dagana lek seen yap yoy xar yi gelemi ya fay ne ñu ne kon yi ni yeb day tek tabe ke ne wa hanafiya ya shafi'iyya rahmatullah alayhim ñom ñi nga xamne dañu jël généralité hadith bi nga hadith yi nga xam day téré day wone ne tour ndox dafa nek lo xamne lu sobewu la ñom dañu yoy ci sen dalili gina mag la moy ñom généralité bobu lañ ne yoy mënu ñu cey génné yi da comme ko ñom gison nañ ne côté faju bi moy côté faju bi gison nañ masala yoy moy côté faju bi nim démé ni avis démé ci masala bi non la fa démé motax da ngay gis na logique bi tamit moy borom xam xam yi rahmatullah alayhi motax sen qawaid yi am solo règle yi nga xamne sen usul yi ndax manuma ñew nak né man dal fi ki wama arrangé di xol yow tek ko ci li wama arrangé ak li arrangé wuma ndax sino finalement bo tamé def non di nga muju do depo kenn ci ñom ndax ñom fañu basé woon ci masala sangam ba tax nga d'accord fa lañ basé wa tay né tay li daganul yow nga né ah non non tay nak mom day dagan motax affaire bu du né man dama koy tek rek sama bakkan di xol ndax neexna mam neexuma dedet moy da ngay suivre affaire bi ala bayina lay tam moy il faut mu teggu ci lu leer ndax ñom liñu wax ni lool moy surtout côté paj mi ndax ñom dañ newon bo fajo li nga xamantene ni ak condition yi ñi ci tek yo xamne du labul man na ne ak solo condition yi ñu waxon mais bokon na yi doon wax que ne li degeural ñom seen wax joju que ne hadith uraniyin bi dañuy jappale ndax ñun wala saw tour ndoxu gellem moy labu dafa sobewu mais yonent bi sallalahu alayhi wasallam dal na ci fajj ay nit kon lool day wone ne kon bi fajo lo xamne dafa sobewu day dagan mais lool gisoon nañ tontu bi ke ne maliki hanabilay rahmatullah alayh dañ ne non ñun yeen li ngeen wax non jappuñu loolu ta hadith yi degeerulul seen wax joju ndax likoy woné moy liñ waxon sank na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bur yalla deful sama li fajj sama xet ci lo xamné dako haramal ci ñom wala ci lo xamné sobe la kon bañu xamé lool lañuy xamné kon yeen fa ngeen nara tektalo lool du démé non kon liñuy ci jàngé ta xamé ko ci moy na kon lool du sobe légui nak comme ko lool du sobe fa lañuy xamé né kon ñu xol ci ban animal ban façon animal lu joggé ñu xamné animal la bo xamné duñu dañuy lek yakko ba paré mo néñu julli len ci gëtt go xamné animo ya fay nek dañuy lek sen yapp ci lañuy xamé né kon amna différence bu baax entre li nga xamné animal buñuy lek yappam ak buñ dul lek yappam comme mbam mi nga xamné mom ya génné ci mom da ko sanni won voilà ñu né kon lool lepp inshallah yi moy li nga xamné moy wone kon abi bobu moy li gëna deugër inshallah taala ñettelu masala bi kon muy legui ana lan moy atay tour ndoxu ab lire lan moy atem muñ né atay fi nak moy lolu bo moy xamnañ tax ñu wax moy ndax lab nam lab lolu lañ wax ndax lu nekk ak atay par exemple julli buma né lan moy atay julli duma raisonner en terme de lab nam labul wala hurrimat alaykumul maytah haramal nañ ci yeen med duma raisonner wala moy ne lolu dañuy xamne fi affaireu lab ak ñak lab lañuy wax legi borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom ñepp depo nañ kené lolu ijma la kené tour ndox ci bopam même boole ci bu lire sax dafa nek lo xamne dafa sobe wu lol moy wax sauf que li nga xamne moy différence bi am entre ki nga xamne bu lire la ak bo xamne du lire moy ko xamne mag la legi moy ne bu boné bu lire dañ ci outal sharia da ci def ay woyofal da ci woyofal da ci ndey woyofal lol kessé la lol moy différence bi fekké bu gor hein bu fekké tout nok lire bu gor voilà moy boudé bu gor gis nañ ne ci lañ ne mom moy différence bi mu fa la différence bi ne wa na deug moy ko lolou jara précise la ndax hadith bi gis nañ ne boudé bawlul jariya dañ ne dañ koy raxas lolou mom amul wouté nan lañ koy raxassé ak yoy raxass mom nuñuy raxassé wa lolou masala raxass lolou tamit yagoon nañ ko gis mais bi melni moy bo xamné da ngay raxass yi moy il faut pas ngay raxassé lo xamné li ngay raxass même ñu né wiss du né man limay bëgg wiss lima koy wissé mo gëna touti ke lolou ndax lolou ça ne sert à rien boudé né man tour ndox mi presque ap kaas la man mané dama koy wissé ko sama tiati baram ni lolou ñep xam nañ né li yokul mbir mi lul xarmi karaw rek lako yok moy lolou motax lolou kenn waxuko comme ka dañu am réflexe wiss ñu fang né moy def ni kessé mais def ni mom kenn waxuko mom jël say baram mo tax même ñu né lolou lañuy def sax waxuñ lolou parce que jour bi ñu gisé masala bi après dafa am ñu andal lool non deug nek après kone ma en fait ñoo li ñu doon wax sank man bima nekké Sénégal dama la deug né non liru ki xalé won dañuy wiss rek après ñom da lan gis gaay bi jël def rek loxo ci toilette loxo rek manam ci loxo ni rek ci sen ki rek da def ni sen baram yi nga wi tax ko mon wala mu nek wiss non rek quoi alors que fek wiss bi ñu wax moy toyel quoi voilà connecté voilà dama mo ko bi nga waxe lolo ki won no ko ne imon be kon ñu ñu deug baaxul ko lolo mo kër wo ah ajjalakumul akhir moy lolo motax mu jara préciser ndax ci imaginaire wolof wiss mom lolo lañ ëpp luñ bo ne ni rek ñu jël baram bi toyal après def ni mais lolo xam nañ ne lolo dindi wul dara lol monu la dindi dara lol bo en general sax fiñ koy def bo moy du toy même du toy ap lu mu touti du toy kon lolou xawma nan la meuna dindé sobé bo xamné mu ngi fi wa motax lolou jarna bayyi xel kon légui kon ñom ñepp ginaaw bi nga xamné ci lañ né kon li nga xamné moy kon dafa sobé wu tour nok ba mu dess que né dafa am woyofal bu am ci boudé bo xamné tour ndoxu xalé bu goor lire bu goor la lire bu goor légui mu dess nak wa légui kon légui nan lañ koy défé ginaaw biñu jaxoré né wa lool woyofal amna ci ndax lér na ci hadith bi légui nak mu dess wayurashu bi mu wax ni min bawlil ghulam ana naka lañ koy défé légui bo fofu hanafiyey ak malikiyey rahmatullah alayhim ñom ñu ne ah yurash biñuy wax fi wiss biñuy wax fi raxas bu ndaw la moy ne du agul ci lo xamne comme bo doon raxas lo boy raxas dara agul fofu mais quand même du tamit que ne dépasser wul sax du ne damay dépasser wiss bima waxon sank rek mais moy ne en tout cas il faut affaire bi nga man boko wéñe mbir bi meuna genn lol il faut mu am ci ñu man ne yaw li wiss ngako ndax arrachu fofu ndax leg leg day tekki lol day tekki raxas ta mais xam nañ ne du raxas beul ndax bu don raxas comme niñi raxase yenen yi la kononté kon don hadith don mo def différence entre jariya ak ghulam comme que neena wayurashu yughsalu min bawlil jariya wayurashu min bawlil ghulam xam nañ ne kon ñaar yeb dañ leen di raxas sauf que niñi raxase bu de xalé bu goor la day gina woyof ñom ñu né affaire bi lolo légui ñi ci dess ndax li moy il faut ndox mi ëpp li nga xamné moy tour ndox ñi ci dess muy par exemple shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañu am ay avis yu bari amna ci ñom ño xamné dañu né dañ koy raxas comme ni ñuy raxasé li nga xamné moy bu dé tour ndoxu xalé bu goor dañ koy raxas comme ni ñuy raxasé tour ndoxu xalé bu jigen lor ben avis la ci ñom mu am ñeneen ño xamne ci ñom dañ ne ñom ñaar yëpp dañ leen di wiss ñaar yëpp dañ leen di wiss moy bo déme ci mazhabu imam shafi'i rahmatullah alayhi moy wax yi da fay am moy wax yi yëpp da fa am ci ñom waye nak ñom li gëna siiw ci ñom moy que ne dañu koy wiss mais lo xamantene dina diñ ko mëna def diñ ko mëna def sa tank ndox mo xam dang ko liñ koy wissé dang koy mëna tank def ko ni kon lool moy wone moy liñ doon wax sank ne même ñom ñi ne dañ koy wiss sax waxuñ ne da ngay toyal say baram def ni voilà ta lool ñom ñu wax lool mom la hanabila yi ci lool lañ d'accord ko ne da ngay tank sa tank yi ngay def nga sa tank bi ngay def ndox après nga dal di ko ci sorti fofu waye inshallah ah li nga xamne moy li gino deuguer moy bu ñeuk bi moy hadith moy avis kon hanafiya yi ak maliki rahmatullah alayhi legi ñu ne legi ana lan moy legi dalilu yuy wone lolu ñu ne ñun parce que ñun suñu différence fi deug ci mo wu rash wayu rashu fala affaire bi ne ñu ne ñun nak li woné né wayu rashu fi yeen bokul ak li ngeen né da ngayen di tank non kessé sa tank likoy woné moy hadith sayyidina abdullah ibn zayd radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamné da doon netali di wax ci walu ñap yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax dané yonent bi alayhi salatu wassalam bi muy raxas tanki mom mo rash la utiliser té ñepp xamnañ né tank kèn bu ñew diko yor ndox toyal ko nonu rek dem sa yoon moy dang koy raxas ñu né lolu kon dañuy won né kon wayu rash comme ni muy téké fofu raxas moy fi raxas la fi téki ñu né lolu ben la ah ndax dañé bi muy japp dafa nadaha ala qadamay mais lolu téki wul ke né dafa lolu même ñeneen ni moy shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi ñom ku jappo non d'accord na ñako amul japp ko xamne dafa tok japp bu ñew ba ci say tank nga dal di koy wiss dal di koy sorti même nga tank dox sorti nonu dem sa yoon fi mu toy non rek nga dem moy ne ñom d'accord nañ ne lolu ñu ne kon nak ci lañuy xamé ne bu ne wa nadaha ala qadamayhi yonent bi alayhi assalam bi mi japp mu dal di nadaha at rashbiq ñu ay synonyme lañ ñu ne lolou dañuy wone kon lolou raxas lay tek comme ni mi tekke fi ñu ne benen bi degeural suñu wax ji nak moy hadith bi nga xamne ci la doon wax ci walu madin bu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne da ne won dafa nekkon ko xamne day gis man yu lu bari dafa bari won num koy gis mu ne mom bon legui mais dafa rusone laaj ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mais mu dal li yeble ko xamne mo koy lajal a sa place mais bim ko laje yonnati ma lay sa sam dane ko mu dal day raxas beurep bi nga xamne mom la lal ba pare mu dal di wis wandah zakaraka lol la ko indah zakaraka wa tawadda moy ñu xamne bune raxas len sen na raxas peuyum dal di japp nako wis moy c'est sûr que yaw do ñew di wiss nonu kessé du wiss lool raxas la ci djublu ñu né loolu day wone né kon mo rach bi ñew fi loolu raxas lay tekki sauf que raxas la bo xamné bu woyof lay doon ñu né ba légui bokkuna ci suñuy dalil moy hadith yi nga xamné moy bi teggu ci hadith bi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné ci lay wax naka lañuy processus bi ngay jaar ngir mëna sétal malan mo xamné daf ko mbeureut deretu mbeureut dako lal ndax da newon tahutu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu bobu nadh bune après nga dal dikoy wiss c'est sûr que du tank djel sa tank ni dal di sorti non lol mom c'est sûr mom ñu ne lolou moy même bi la moy raxas la fa djublu comme nim fi djublé fi ñu né yi yépp mourach ak nabh dañ fay taxaw place li nga xamné moy raxas comme ni nga xamné non lañ ko gissé lolu doy wone kon bi mu wax ci hadith bi ni djublu wu ci né sa tank ngay tank non rek dal di ciy soti waye moy dang koy raxas waye raxas bo xamné bu touti lay doon comme ni mi waxé fenen rek comme ci hadith yi nga xamné yonent bi sallalahu alayhi wasallam da utiliser wala alquran sax di wax moy liñu nane kufrun duna kuf li de ak weddi la ndax bu ne sibabul muslimi moy ab julit daldi ngagn moromu julitam ak genn top la daldi koy ray mom ak kefer la moy lolou est ce wajo xamne laaj bi moy wa legi kon waju ray mbokam rek moy julit bo xamne dafa ray mbok julitam est ce automatiquement waji day nek yefer lol borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñune no hadith yi du lol de du ne lolou ah du lol lay tek moy ne waji ah lolou moy ne def na kefer gimu utiliser fof ne ray sam ray julit lol ak kefer la moy jeufu yefer la mais tekul ne waji ko def ci bopam ci sase sopale ko na legi genn na ci lisan murtad na ndax ray na julit dedet ta lol likoy woné bari la wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu lol alquran diko wax fa aslihu baynahuma budon ay yefer lañ kay du ne fa aslihu baynahuma budé dafa am ñaari kurel ci mbolom julli ni ño xamné dañoo jappanté mu am différence sen digënté mu leer yewënal leen sen digënté budon ne kon ñu xex mo xam ñu ag sax ba ag ci ba xex am ci mu ne na ngeen yewënal sen digënté ñu ne lool budon ne ay yefer lañ doon won dem nan leen jappé leen sen bop ba lay di leen yewënal di dem leen ngeen yewënal sen digënté ñu ne comme lool la rek moy li kufrun duna kufru bok am ci aya yi hadith yi li nak c'est pareil moy rahas ki bi rash gi muy wax bokku nak li nga xamne mom lañ min en général mais sauf que ak rahas la go xamne bokku nak tamit rahas biñ xamone moy ñun buñ né nañ ñen ko rahas du né nañ ñen ko rahas comme ni ñi rahasé tour ndox ko xamne ku majeur la wala ko xamne dépassé na wala ku jigen lire bu jigen ñu né lool lepp inshallah moy li nga xamné moy deugëral kené li moy li gëna deugër inshallah ci masala bob légui nak mu dess wa légui xulam bi ñuy wax fi mom nan lañuy rañé né diiw mi bokkatu ci ndax xulam dafa nek mo bo xamné en arab di lañ ko wax ku majeur comme niñ ko gis comme niñ ko gis nañ ko fi ci bir hadith yi seigne bi rappelé ko nako fi ci hadithul isra bi sayna musa alayhi salam bi wax ne bour yalla xawmone di nga jël ap holam la utiliser mais est-ce que mo moy ki xamna ne ki du lire dublu ci ne ap lire la voilà dublu ci ap lire moy buñ xamé lool kone kon arab yi dañuy utiliser mo wu hula ta du ne lire lañ ci djublu legui nak kon fi dañuy soxla xam kon gholam bi moy kan fan façon gholam lañu woyefal ay tour ndoxam ah lolou hadith bi ci bopam gisone na biñu def tahrij bi yo xamne mo ci ton da yonent bi yenen verse yenen façon yenen hadith yo xam day wax ci pareil yu melni yonent bi alayhi salatu wassalam dañ ne outi an nabi sallallahu alayhi wasallam bi gholamin bi sabiyin lam yaqul at'am lam yaqul at'am moy andil na yonent bi sallalahu alayhi wasallam lire bo xamne moy commencer goul di consommer comme di lek comme ni man ni leké moy né lolou kon fa lañuy xamé que né kon lire biñuy wax moy ko xamné autonome goul ci walu moy né kok manula bayyi nam lire bo xamantene akagul fo xamné budene limi nam budé namp bi manula doylo lek gi kessé du doy ndax bu agé fof mom ci lañ koy féralé dañ koy féral né waji ngoné ci dal dinay fér fék agul fo xamanténi ni man na bayyi allaitement ta du ko wañé dara koku nonu xalé façon xalé bob lañuy wax mais képp ku fér wala même budé né sax agul âge bi mais dal légui li ñu ñuy lek lu ëpp lu muy lek ci lay ki koku xalé bobu taxatul ñuy wax moy né koku ay tour ndoxam légui mok ñeneen ñeeyel koku fokk non lañuy xamé kan ban façon xalé lañuy wax té lool du ci ay âge lañ koy natté ndax tout dépend amna xalé yo xamné ñom ba 2 ans dañuy namp kessé duñu lek presque duñu lek leneen koku bokku nak ki nga xamné ba amé 1 ans la commencé di lek ci ep mom di dem ku ko joxati mew mu bañ koku bokkuñu motax affaire bi lool la moy fu ñëw da la xamné mom da namp gi da naka légui paré na ci ku mel nonu ah lool mo xalé bobu bokkatu légui kon mu dess légui lan moy benen masala bi sagesse bi nga xamné mo nekk ci tax ci téxantal ant bi am ant bi hadith bi def ant li nga xamné moy lire bu jigen ak lire bu goor bobu par exemple lolou ku melni imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi da ci ënd ay façon tontu yo xamné mom la gis que né amana li moy hikma yi ah bokku na ci yim wax mune le fait que lire bu goor dañu bari lo xamné mom lañu ëpp luñuy yor que lire bu jigen lolu mune amana lolu day tax ndax moy bu yagge comme que ki ëpp luñuy té moy né ay koku ay danaka ay tour no xam day xawa nek lu fréquent ndax bu lé mom lañu yor tout temps bu baré ngir sharia yombalal woyofalal nit ki lolou motax mu woyofalal nan lañ koy raxasse légui après dañ ñew après ci dañuy wax limu wax après nañ ci ñew ci ginnaw mune légui benen mune budé tour ndoxu ki nga xamantene ni xalé bu moy lire bu goor bi mom ay tour ndoxam du wacc ben place moy buy genn du dem ben place mais day tassaro contrairement bu jigen comme que li tassaro nak lolou day gina nakare dindi après setal legui nak ngir woyofal ko lolou tax ñu dal di woyofal lolou sharia woyofal lolou legui ñettel bi mune tour ndoxu ki nga xamne moy lire bu jigen moy upp xet li nga xamne moy tour ndoxu lire bo xamne bu goor moy ne ah mom ñett yoy la joxe kené amana li moy sagesse ci ne même bu déné après da ngay gis né moy yi ni surtout bu né mom lañ ëpp luñu yëkëti moy xana ngay gis na affaire culturelle la affaire ban société la né moy affaire da ngay gis né day gina dugg ci affaire aada kan lañ ëpp luñuy téé da amna fi société yo xamné ñom seen liru xal yu jigéen yi lañ ëpp luñuy téé lool amna ta l'islam dafa nek diina universel mom bi mi wax c'est normal ndax lool lañ xamone moy ku nek tamit mano statuer ci lo xamné xamoko moy fi nga nek ci lool nga mané statuer mo légui moy kon lool da ngay gis affaireu c'est culturel motax am ño xamné ci borom xam xam yi rahmatullah dañu japp né amana sagesse bi du li ndax li mom il suffit kon ndax bu dé lool la buñ téni ñëré fofu moy légui buñ démé fo xamné contraire bi la kon atté bi dafa wara top mbir mi ta xam nañ né mbir mi du démé non moy né du adina du yag bu mbir yi di wël beuté ku bañu né légui wa finalement comme que dans la société de tel ñom jigéen ni liri lañ ëpp yu jigéen ni lañ ëpp luñu kon nañ leen ko faciliter même lool mom sax waxul lool mais xam comme que xam nañ né mbir mu du démé non kon amana kon sagesse bobu nonu lu yara sétat la ah yenen yi moy kené yenen yi mom dafa laaj comme par exemple yenni moy dafa laaj experience ak ñi nga xamné moy ño ci né ñoy les spécialistes avez-vous spécialiste ndax avec sharia dafa am yo xamné faqih bi man na nek le spécialiste lolu mom moy l'idéal mais boudé ak mom amul matwa yoyu yenn question yi dañ koy dello ci ñi nga xamné ño spécialiste domaine bom moy comme liñ doon wax kéro rek ci walu gélatinier ak yu mel non wax ci produit ndax lool da ngay comme que boudé né faqih bi mom amuti mom nekul du domaine lool du domaine am mbir mi da koy dello ci ñi nga xamné ñoy ahlul khibra lañ leen di wax ñi nga xamné ñoy les experts ci domaine bom légui ñom luñ ci wax ño xamné tamit ñu manu lañ ci lool lañuy mëna teunku lañuy mëna japp motax am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñom dañ né amana ba affaire bi moy té lool nak moy li ñëk lol moy li ñëk moy sharia bu né bu défé téxantal ci dara julit bi lol moy postulat bi postulat julit moy bu yalla wala yonentam sallalahu alayhi wasallam dogalé benn mbir wala atté benn mbir lolou julit bi lolou wara ñëk mel moy premièrement moy sami'na wa ata'na dégg nañ top nañ moy du né rek tout temps il faut bon affaire bi est-ce que xol c'est rationnel ou pas ndax tout n'est pas rationnel ci yow samra yow sara sam xel yow ndax li nga japp né c'est rationnel ci yow man nako baña don ci kenen même sax bu ci amul du tout moy né julit bi non la wara massa non la wara mel d'abord moy né mom dal bir mi lenn lay sét est-ce que wër na kené li tuké na li sharia moko dogal wala dit lool kessé lay sét bu néké né xasna am kené lool lèr na mom xolatul lenen moy da ci dañi daf lool moy al islam te moy al islam islam moy da ngay jébul du ne rek man lo xamné conforme nak lima massa xam samay xamé nak lima minone dal duma ko nangou dedet mais da ngay d'accord que ne lool mo mais nak kula ci raw ci domaine bob tamit mo lay raw ndax sayna abou bakkar radiyallahu anhu bokku na ci lim raw ci lool lim raw ñeneen ñep moy ne ba yonent bi sallalahu alayhi wasallam di wax dama joge fele dama demone voyage nocturne ak yoy wax isra wal miraj mom lañul sax est ce que faisabilité be ak réalisme be ak ay bon est ce que xel d'accord nako ak c'est rationnel nono bagn ko waxe ndax moko wax lool rek la lool moy postulat julit nak est ce que moko wax moy yow bu la nit ñewé ne la moy yow li ngay def ni daganu la est ce que xam nga ne li ngay def daganu yow waro ñew nan ko non yow beude mune la hadith bi nga non mais est ce que lo hadith bobu est ce que jaruñ ko ci nga ne ko wër na mu ngi ci mune bon même bu wéré sax bon est ce que non yow waro doxale non mir mi yow moy li nga waro wax moy est ce que moy li sayna abou bakkar radhiyallahu anhu non est ce que moko wax ci ñun moy est ce que wër na wërul lool kessé la bu wéré ñu top bu wërul nak bon ñu xamné lool wërul moy lool moy lol motax même buñuy chercher ay nan borom xam xam rahmatullah alayhi nan amana li moy sagesse nangam lol même luñ ci man di lim c'est sûr que amna yo xamne rëcc nañ lol mom c'est sûr que yo xamne rëcc nañ bo ñak ko xam waru la wañi dara moy ñu xam ko ñu ñak ko xam c'est ben la lutax moy julli timis ñetti rak même buma xamul ban sagesse ci nek mais est ce que day tax mané bo kom ko xawmako dama koy xawa doya del comme yima yi nga xam par rapport ak yi nga xamné xamna li moy sagesse bi nono moy sharia bi mir mi lol la julit non moy ko julit non la wara mel d'abord moy buñ né li dal li la mo tax lol la alcorane moy né amul ma kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara moy ne amul warul ci dulit way ngeum yalla bu goor ak bu jigen bu suñu borom ak ndawam sallalahu alayhi wasallam daldi atti ci mbir dara ne doxal len ni teureul la li def len li yow nga nek fa nan di xol ndax am nga ci choix wala yu mel non bon est ce que affaire yi amul modalité yo xamne waruñ ko setat ay clause yo xamne war na ci am dedet samiana wa ta'na ngay wax lolou moy li nga xamne moy li ñëk kon côté bobu kon lolou mo ñëw ci sagesse bobu wax yi ci am ak li nga xamne nga gis ne bu ñu nek rek moy da ngay gis ne boko sétaté socialement da ngay ak tamit ci façon société yi ñi dund ak façon société ni mu wuté ak yoy da ngay gis ne bu ci nek am na lo xamne dess na ci waye dal li ñu mëna wax moy ne sharia def nako légi mu du té yi ñukoy tuddu ko né amna ño xamné quand même ay borom xam xam yo xamné rahmatullah alayhi def nañ wu yulli nañ sen dayo choono ngir fexé trouver amana li moy sagesse bi ñu lim leen waye téki wul ko né dañ nan teunk ñep né leen nak légui li rek moy sagesse bi ku fi wax leneen di nga xam dedet lool même ñom ñi wax lool sax waxuñ né gaay ay wu teunku leen ci lima wax benen avi amu fi voilà légui kon fofu ñu mo wax la et que buñu xolé ñi nga xamné ñom ñoy yëngatu ci bamel bi ñom dañuy gis né tour ndoxu goor ak tour ndoxu jigen du ben yakarna bu ñu ci tollé amna ay quelques ki yi dafa tant fondation yu ci dox lawon voilà et que gisone na sax ci test yi ñu doon def test urinaire ben way do xamantene dafa doon pour ñu embaucher ko SNCF mu dem def test urinaire bi ñu gis ne manam jigen di ombu la wala ah ko da koy leer lu mom manam ndax mom man ta nek ben way ba pare ñu def test yi gis ne jigen di ombu mom beewali ak yu mel non manam et que manam dañuy liñ djublo manam moy ne tour ndoxu goor ak tour ndoxu jigen du ben composition bi tamit du ben cependant ñom ñoo bok fiñu jaar ba ñom ñoo bok fiñu jaar ni ñu genné mais sauf que composition bi du nek ben bon légui maintenant benen ki bi am fofu li nga xamantene mom la doon wax te momata bayyi xel deug moy ci walu respect biñu wara am ci waxu yalla ak wax yent bi sallallahu alaihi wasallam parce que leg fofu ñaari point dañ fi faral di am benn bi mom moy leg dañuy gis ño xamantene dañ leen di wax ni yalla manam par exemple nangam lan moy atté bi ngene atté bi nangam la ngene ah waaw lolou day bokut ak lima xam lolou nak ñi mi faral di dal souvent moy oustad ak serigne ci ñom lay gën di faral di dal manam bu fekkenti ne dañoo fanatique té ci wuñu amuñu esprit d'ouverture lolou mo lolou ñom lay gëna dal manam ngi gis par exemple ku kuy waxé né da ngay gis nit ñew def nangam nga ne ko foko tek mu par exemple dañuy rapporter quoi mais waxin wu ñaaw la dal manam ni waaw moulay sande ab sagaru hadith han genre yoy xam nga wax joju masala lolou kuko wax day nek yefira parce que li tax mom moy dafa qualifier ni yenen manam waxu yenente bi sallalahu alayhi wasallam dako qualifier de sagar et que parce que dafa japp ne voilà leg leg amna ñu mel non nga xam na way lool artisan way bu mu wax hadith way han genre li ñun li lañ xam la wax atté bi li la manam lolu point la bo xamantene bu mata bayyi xel la lu mata ki la lu mata def attention la quoi voilà manam meun nga ni ah li de deug li la gis man téré yi ma jang wala li ma xam ci li la xawma nak ci yane hadith la teggu wala ci yane ci la xegu lolu man nañ ko waxe non deug la yow li nga wax hadith la waye xeyna da ko kon nañ bu gustu rek ba gis xeyna nangam voilà xeyna lolu mo upp xorma waye claf ki caractérisé waxu yentibi sallalahu alayhi wasallam wax du ñaw wala bok mépriser ko manam wax ko waxen wo xamantene moy mané ni amu ben doole ci saxal lolu day tekkine manam lolu day jinn ni ci l'islam mom parce que yentibi sallalahu alayhi wasallam nga ñakkel xorma ci wax di gëna ñaw ci façon waxen di gëna ñaw té borom subhanahu wa ta'ala waxon na né fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimunaka fima shajara bainahum hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan fima qadayta wa yusallimu taslima watna ci nek djinna ci sa borom ne ñom duñu gëm te ngëm gogou muy nek luñu nangul lu deggu lulul ne lepp lo xamne doxna seen digënte lu mu tuti tuti ak lu mu reey reey ci yow lañu ñew top duñu am ben gagn ci sen xol ben ñeg ci sen xol ci li ngay atté ba paré dañuy womatu anam gu manam womatu gu mat seuk lolu kon lolu point la bu mata baye xel fofu non benen bi ci dess mom moy japp ne lepp lo xamantene masalan amul justification scientifique rek xeyna desana wër wala desana deug wala bok ngay sukkandiko ci seen wax di tordre alcorane manam di lem aya yi wala hadith yi di ko lem solo jamono manam li nga xamantene mom muy théorie yi nga xamantene ñom ñoy en vogue manam théorie yi nga xamantene mom lañu xam lool tamit benen erreur la bo xamanteni ñu bari dañ koy def nga xamantene ab théorie bu genn rek nga neew ñu ne waaw legi kat ah gis nañ ni scientifique ñi ngi wax nangam ak nangam ah ay bi kon ni nangam nangam daal di jël ay ay yalla yi wala hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam bokoy firi ala kulli halin ci mi nga xamantene non la scientifique di wax ah ak sa waji may gi do wax naan hadith yi legi condition yi nga xamantene lañ di wara nango legi war nañ ci yok benen manam xam nga jurum yi ñu xam ne war nañ ci yok jurum benen moy mu leppo ak vérité scientifique état haïtien ci établir manam xam nga lolu ah lolu xam ngeen ni lolu kufru la ko kufru la parce que di nga bëgg wax rek parce que lolu li tax mu nekk kufru moy xawma exemple fatena ban exemple la joxon ci hadith voilà tandermay ni tandermay medina voilà né yentou bi sallalahu alayhi wasallam né ku ci xey lek ci jurom ñaar da ngay muccu ci lay lor manam jinné yek njabar yek yoy mu né lolu ce n'est pas vérifié scientifiquement donc hadith bobu wir manam lolu koku c'est très grave manam c'est extrêmement grave parce que da nga né yentou bi sallalahu alayhi wasallam li nga xamné toxal nañ ci mom mu ñew ci deug yow da nga japp né wir lu tax wirut parce que scientifique yi depo wuñ ci lolu até wuñ manam depo wuñ ci lolu lolu du garaw la ci abdou voilà lolu lolu garaw la ci abdou amna benen tamit bo xamantene bu ci teggu la mom moy tout temps yow da ngay am sa avis ba nopi sa avis bu rangé après nga doga jël nak hadith yi di manam ñu wara top avis bobu yow wala ay lool tamit benen avis benen bir la bo xamantene dañ nan ah ñun de li lañ gis li lañ xam li lañ japp ñu ne waaw legi nak sa yoy argumenté yow tout temps da ngay fexé ba ay hadith yi depo ak yow li nga bëgg lool tamit benen la bo xamantene bu graw manam yoy yep ay xéet la yo xamantene yu yu jara may tuddu ko la ci buntu yu wax waakum allah khairan légi bi ci téggu won kon moy ana lan moy atay gal gal ci français wa légi lolu moy ne khalas mom lu lab la moy du lu sobewu ndax khalas moy day duggu do ag ci bak bi moy gal du sori contrairement ak wotch moy gal du sori dal di gennat motax bo setlo bu gennate danaka nim duggé won lay gennate voilà lolou ah lolu moy li nga xamne mo jëm ci walu legui nak mu dess benen bi muy wacc legui fi dañuy xamne kon affaire bi moy ne lo xamne bi ni mu genn non la duggat ta agul ci bax gi ndax bu agge ci bax gi fofu la wute bi nek ta lolu moy bu fa xasse ag buy gennat lolu dootul tuddati gal waccu lay tuddu legui nak kom ko xamnañ ne bi agul moy gal mom labna legui bu agge nak lan moy atem moy wagge bay wara genna muy ñu tudde ñu xame ko ci waccu fofu wa jumhur rahmatullah alayhi ñom dañu ne lolu nak day dafa sobewu moy waccu mom contrairement ak gal moy waccu dafa sobewu ah legi malikiyyi rahmatullah alayhi ñom ñu ne nono ñun d'accorduñ ci wax joju moy d'accorduñ ci doyal ko nonu rek kené waccu la rek automatiquement rek dañu nan rek comme wa jumhur kené affaire bi légui sobé la ñu né non ñun d'accorduñ ci lool légui ñom ñu né té inshallah ñom ni ñu wax moy li gina dëgga légui nak mu dess légui yeen fu meen tek seen wax ñi ñu né ñun wa jumhur ñi ñom fi ñu tek seen wax ndax jumhur kon légui buñ né maliki yi ñom dañoo wax lén moy wa jumu'ur xamnañ moy ci mazahibul arba'i lañuy wax kon moy moy ñi ci dess moy hanafiya yi shafi'iya yi ak hanabila yi rahmatullah alayhi ñom kon ñom ñone dafa sobewu ñom fiñu ko tek dañ na ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa waccu hadith bi na dafa waccu ba paré après mu dal di japp ñom ñu né lolu doy wone ne kon affaire bi dafa sobewu le fait que mu waccu ba paré japp lolu doy wone ne kon affaire bi dafa sobewu maliki rahmatullah alayhi ne ñun d'accordun ci lolu affaire bi ñun dinañ leen wax d'abord ñun nan lañu jappé ban waccu lañuy considérer dafa sobewu comme yeen wala dit après ñun dinañ tontu yeen seen waxtu tamit ak ñun li mo lan mo dëgeural suñuy wax ñu né tab lool bokku na ci moy que né ñun d'accorduñ ko né waccu mu genn rek dafa sobewu ñun fiñu koy tek dafa am lo xamné mom lañuy natte ndax mbir mi da am ñuy sét dañuy sét est ce que nit ki bu waccio limu waccu comme limu waccu moy lim ak limu lekkon sank limu lekkon limu dugalon genné wat ko ñom ñoo ni roo wala dit comme ko xamné dafa lek dafa nanum sow legi nan ko tok après waccu wat ko ñune ñun duñ ñew rek ne dafa ne waccu wo dafa sobe wu dañuy xol est ce que dafa changer wu dafa changer couleur wi wala xet gi tamit dafa changer wu buñu gisé né nit mais ni sow mel mi nanon legi la mel dara amu ci ben différence te amul len amul ben xet buuy ki dañu nan bir mi kon li ni sobe wuul mais kon moy boudé dafa guen par exemple mu xonku wala mel nenen dañuy xamné li dafa sobe wu ndax wouté moy ki bi amna dafa soppé ko ñu né ñun lool kessé lañ ciy xol légui nak kanta yeen wa jumhur li ñen wax kene kon yonent bi sallalahu alayhi wasallam le fait que mu waccu japp lool day wané né ak moy mu galax dé ko su après dal di japp ñom ñu né loolu c'est ñapp gogou amana leneen ko waral tekkuul ne li ne rek kené dafa kené loolo ko waral té en plus man na nek kené tamit da lon yéssal ñappam loolu lepp man na ci nek ñu né ñun duñu d'accord ci lo xam li ngeen xamné mom kené waccu bi moko waral ndax ñom en plus dañu né waccu ci bopam da du waral ñapp du waral moy du lo xamantene boko defé dañ nan yow demal jappi wat ñu ñun d'accorduñ ci lool kanta jappu yonent bi sallalahu alayhi wasallam leneen man nako waral lo xamne xamuñu ko voilà ñune legui ñune ñun li tax ñu def différence bi te yeen d'accordoon ngeen legui ci walu gal d'accordoon ngeen ci walu gal sank ke ne bu genn ndax gal li tax ñun ñepp ñu d'accord ne lu laap la moy bu genné ni meron lay melat ñune legui ñun gisunu différence entre boudé waccu la mu genn melni mero ndax sauf ko wa jumhur ñom liñu bayyi xel moy fimi genné ñom dañu né fimi genn moy bakk gi ta bakk gi la fay genné comme boudé ay dem all ak yoyu loolu lepp ci bakk gi lay joggé ñu né loolu day sobé wu ak yi melni mom ñu né kon waccu nga xamné ag na fofu genné fa loolu tamit day sobé wu ñom ñu né maliké rahmatoullahi né len dédé yeen set le mbir mi kay li jara set moy est ce que lol dafa soppé ko wala dit comme gal giñ jogé boudé né mok comme yow ko xamné même ñu jël même soow mi nit ki nan ko la tamuy ag mu dal dikoy jallat ñu gis mu melni limu nan mu nan ko cette fois ci mu ag ci bakk gi mu galat mu dal dikoy waccu ñu gis mu melni bi mu nan où est la différence ñu nek gisun ci différence fofu manu ngeen ci ut différence parce que rek fimi joge rek xol rek fimi genné lolu rek du lo xamantene ni lañuy baye xel comme niñu gissewon ci hadith yi la ah masala yi ñu gissoon ye wess nga xamne moy biñuy wax ci walu fimi ñi nga xam dañu baye won xel genn way bi que ne entre comme ngelawal fimi genné fala ay dem all di genné ta duñu ne comme que dem all mom dafa sobe wu rek kon ngelawal sobe la ko kon ku ngalawal yere bamou lal dang ko wara raxas te ñepp d'accord nañ ne kenn du ko doxale non voilà kon ñu ne kon di bayyi xel prendre en considération que fimi genn kessé lolu nonu du lo xamné luñuy teye la inshallah kone kon wax bi moy li avi bi moy li gina deuguer inshallah kon lol mo jeewon ci walu wottu bi legi 8e masala bi legi moy lu jeem ci walu rongoñi rongoñ waaw septième bi ci lañ joge mo jeem ci walu wottu bi waaw wala legui de moy ki num tudu rongoñ ñom borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñom deppo nañ ko ne du lo xamne dafa moy lu lab la lu lab la sauf ko hanafiya yi rahmatullah alayhi dañ ne budé nak mais du budé nak rongoñ bo xamne mom dafa genn melul ni ni rongoñ di mel en général rongoñ bo xamné bu melni rongoñ bu melni couleuru deut par exemple wala yu mel non ah bon façon bobu nak ñun duñ ci d'accord mais ñepp d'accord nañ ne que ne rongoñ mom bu dé rongoñ neen kessé lolu lu dulu la lu lab la bo la ci lay moy atiyam da rongoñ lolu mom moy yi koy wone ci hadith yi dafa bari ak ñi nga xamné alquran da leen tuddu ñi nga xam dañuy julli di joy yakhruna lil anqani yas yabquna aw wa yazidu khushua ñuy joy ñi nga xamné dañuy di wax ñi nga xamné sen julli kat yoyu nga xamné senu ragal yalla du ngistal taxul ñuy joy ta wax ta lolu ñuy sujootal sen borom di toroxlu sen borom di joy ta lolou du joy yo xamné après ci biir julli ji wala ko dang koy raxasi mo tax kuy julli di joy koku ken lu ne waji na dem raxasi ki moy rongoñ lu lab la légui mu dess li nga xamné moy kon 9e bi moy atté ki wextan bi wextan waxtan nu ñen ko marar ci a waxtan ci tuba moy lan bil wala lolu ah moy nek ci respect rek waaw ñom d'une façon générale dañ né dafa nek lo xamné dafa sobé wu hanafiya yi ñom dañ né dafa sobé wu même bu dé né dañ ko rax moy né affaire bi ci bopam mom dafa sobé wu kon ci avis wu hanafiya yi ku rendi sam xar wala yu mel non fokk da def attention ngir mu baña kon waxtan bi baña sobel yeneen yi ci dess ndax ñom même boko raxé sax ñom pour ñom lool dindi wu ko alors que shafi'i yi rahmatullah alayhim dañu japp ne buñu ko raxasse mom leg moy sobe wul amna ci ben mbous lay nek ñom même mbous mek lepp moy dafa sobe wu ci hanafiya yi rahmatullah alayhim alors que budé shafi'i yi rahmatullah alayhim il suffit nga raxass ko boko raxasse moy ne lolu du sobe ndax lolu limi indi moy budé ki ne même ci kaw gi mbous mek lepp sobe la moy budé da la lal nonu da bokul ci yo xamne liñuy djegel ndax lolou nañ ko gis après tolul ci li nga xamne moy ci sobe yi ñi djegelé moy ne kok da ngay obligé kon raxas ko ci aviw bobu bu ñëk bi bu hanafiya yi rahmatullah alayhi alors que bu dé shafi'i yi rahmatullah alayhi bobu xasse raxas même bu la lalé grawul bu lalé sa yéré wala sa ki wala fi sa der wala sa yaram wala fi ngay julé ñom lolou du sobe ci ñom kanta legi hanaf mu dess malike yek ak hanabilay rahmatullah alayhi ñom ñu né non waxtan mom dafa la waxtan dafa la ñu né fu ngeen ko tek ñu né al bara'atul asliya li dal amul gisunu moy li ni lay du mas'ala bo xamné sharia da ci statuer lu leer du sa du gisunu bo ab hadith wala ab al qur'an wala hadith bo xamné dafa ñew dal di leral ke lan moy atté waxtan légui ñom ñu né ñun li tax ñu wax lool moy al bara'atul asliya moy né comme biñu xamné ci lañu xamné mbiri ci ciossane bur yalla moy mbiri dafa la lool la def ci ciossane comme que nak ciossane gogou li ñu ci génné il faut mu nek lu leer waru la nek rek ci yaakar nañu wala bon peut-être duñu ci génné motax lu way di nek lu mu nek mom pour nga né ko affaire bi ni daganul moy yow ya wara indi dalil yaw ya wara indi dalil buy wané né mbir mi mu nek kat li daganul mais do xone nak mbir mi daganul légui yow sétal ma dalil bi nga xamné moy wané né yow li nga nek daganul dedet affaire du démé non daganul jek labul ji ben la bo né ma bo féké ben way di lek dara nga né ko yow li ngay lek dafa haram do yem ci lolu dang ko nan ndax aya sangam ak li mo haramal par exemple bu dé limi lek yapu mbam soufna nga né ko hadith sangam ak li moy wané né li bu boba lolo ko génné ci al bara'atul asliya moko génné ci ciossane li nga xamné lepp la bon lepp dagan voilà ñu né lolu comme que ñun amuñu benen amuñu dalil bo xamné bu lèr la buy wax ci walu wextan que né dafa sobéw kon ñun manuñu luddul bayyi ko té day dess li nga xamné moy ci ciossanam té ciossanu mbiri moy dañu la yi labul yep alquran ñewna wala hadith dal ci leral lan moy atel yi mu bayyi yep dañuy xamne kon dara newu ci ndax bu ci dara newon suñu borom dina ko leral jaara ko ci yonentam sallallahu alayhi wasallam lool nak amana wax joj moy li gina deugar inshallah moy li gina deugar moy waxu kon malikiyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhi kon loolu ci lañuy xamé ne kon bu toje ci res bi grawul legi dang koy raxas nak wala dang koy raxas tab tamit bu la lalé sa yéré tamit moy du sobé mo la lal mais raxas ko ngir nga bayyi tamit xel ñeneen ñi bul né man sama yon néwu ci bayil xel que né am na ño xamné comme ko wax nañ li tabuma wañi dara na ko raxas même bu dé né man gëm na né du sobé voilà bu ko défé yow amul kenn do amul benn borom xam xam buy ñëw na la yow li nga def du ni alors que boko bayé nonu am na ñu naan la yow li nga def du ni génn nak ci cho yoy mo gën tout temps ci waaw voilà légui nak mu dess kon mi nga xamné moy bi ci muju légui moy ana lan moy sobé yi nga xamné dañ leen di djéggalé da li ñuy djéggalé bok ci sobé nga xamné ay sobé lañ ga mais buñu tollé ben quantité bi wala yu mel nonu buñu ko agul dañ leen di djéggalé lolu premièrement moy dañuy sobé yi borom xam yi rahmatullah alayhim dañ leen di différencier catégoriser ci ay catégorie yo xamné yu wouté la amna ben catégorie bo xamné dañ nan ben classement bo xamné sobé yo xamné senu sobé dafa djéggi dayo am yo xamné senu sobé dafa woyof dañ nan an najasatul mughallaza at al mukhaffafa mughallada moy yi nga xamne ñom seen sobe mom dafa leer te dafa nek lo xamne amul ben ombre de doute bu ci ne am yo xamne nak seen sobe dañ leena moy dañu wañ dañu woyof seen sobe dafa gina woyof ke yele lolu hanafiye yi rahmatullah alayhim ñoy yi nga xamne sax ño gina def li côté bi ni ñom ño ci gina statuer ñom dañu ne ñom côté yi est ce que lan lañuy jéggelé ci sobe wala diit ñom dañu ne gis nga mughallada yi moy yi nga xamne ñom seenu sobe dafa tar yoyu mom amul benn buñ ci jéggalé yoy moy lan moy légui nan lañ koy xamé ci ñu né loolu moy li nga xamné ci borom xam xam yi rahmatullah amuñ ci wuté que né li mom sobe la ñu né jox leen exemple ñu né comme tour ndox gis nañ sank que né ijmaal que né amul kenn fenn foy dem benn mazhab boy dem mura la tour ndox bon lool nak mom dara néwu ci wala bok bon dañ ko sopp kessé lool amul ñu né par exemple bu mel nonu lol moy najasatun mughallada bi nga xamne ak sobewum dafa ta waye ak deret comme deret ñu ne yu mel ni nga xamne borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñoo depp sauf que deret gisoon nañ ne gisoon nañ masala bobu que ne amna ci ñu mujju ñi ño xamne ak avi yo xamne yu yag la won yo xamne yu ñu jël ci yenn borom xam xam rahmatullah alayhi yu doon wax ne non non deret du sobe mais gis nañ ne ijma bi lool dafa taxaw que ne borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu ne deret sobe la te lool likoy wone bari na lool gisoon nañ dalil yoy ñu ne par exemple hanafiya yi rahmatullah alayhi ne lu mel non par exemple ci najasatun mughalladha ila bo legi ñu ne legi ñu ne len wa legi benen catégorie bi nak yi nga xamne dañ leen won woyo fal ñu ne moy comme yi nga xamne comme ñu ne moy comme ki biñu gisoon sank ou comme waccu ñu ne waccu même bu déné sobé la moy dañ ko xawa woyo fal moy liñu koy jappé bokku nak li nga xamantene mom lañu jappé tour ndox xam nga gisoon nañ né ñom japp nañ bokku nañ ci ñi né non waccu mom sobé la mais ak sobé agul fi nga xamné mom la ay tour ndox ak yoy ag ñom ñoo def lool légui nak côté hanafi shafi'i ak hanabila ñom ñu né ñun dal mughallada lenn lañ ci japp moy sobé bo xamné dafa tat ñu né ñun ñaari animal kessé lañ japp ci animaux yi xamné ñom seenu sobé wu dafa nek lo xamné ci ñun mom dafa tat ñu né moy khinzir moy ki por moy mbam khu ak waji ak ci ak xaj ak lepp lo xamné dafa joggé ci soit ci benn bi wala ci benen wala ci ñom ñaar ñu né bu façon yoy ñom mom seenu sobé wu dafa tat légui ah mu am benen façon catégorie bu ñu def ci côté côté sobé yi muy yo xamné dafa ndoxé ak yo xamné dafa wo moy sobé bo xamné comme tour ndox lool moy bu ndoxé la dérèt moy dafa nek sobé moy budé coagulé wul ba daldi nek benn beurep non bu coagulé wul day nek lo xamné sobé la bo xamné da fay wal budé dafa coagulé wu ba nek benn ki ñu gis ko mu bari mais da am benn koor bu boba day nek lo xamné da fay am physique ñu né légui ñu né wa légui ginnaw biñu xamé yépp légui lan lañ ci ñun liñu sox liñu bëggono xam ginnaw li lepp moy lan lañ ci djéggelé wa wala dit ñun dal loolu mom buñu ko xamoon ñun dinañu arranger dé loolu dal ñu né wa bax ñu né buré dinañu yi djéggelé ci sobé yu tar yi mais buñu nekké lan buñu nekké lu solide moy lo xamné day nek à peu près 3,17 grammes ñu né lool lu toll non lañ ci djéggelé lool leer 3,17 grammes environ lu toll non lañuy djéggelé ci najasatul mughallada bo xam dafa tar té nek lo xamné lu solide la ñu né non li moy borom xam xam yi dans leur ensemble ndax shafi'i ak hanabila moy dañu bob ñu won ci catégorie ndax ñaari façon catégorie yi ñu waxon mughallada ak mukhaffafa ak jamida ak ma'i'a mughallada ak mukhaffafa ñom paré won nañ ci légui ma'i'a ak jamida lañ neñ ñom ñu né budé dafa nek lo xamné bu solide la liñ ci djéggelé moy à peu près 3,17 grammes budé né lo xamné nak dafa ndoxé ñu né lo xamné day nek à peu près lu tollok wé lo xamné lay tollok comme wén yi lu toll nonu budé dafa laal nit lolou man wala mu dal ci fimi yérém wala yaram lu mel non man lolou lañuy djéggelé moy bu ko uppé lolou bokul ci li nga xamné dañ koy djéggelé légui nak mu dess bon légui bon yeen sen tektal yi sen wax yi fu mu tégg lolou mom moy ñom mom lañu wax dirham waaw mo si ci téré fiqh yi non lañ koy wax voilà dirhamul baali voilà légui ñom légui légui yeen seen wax ji ne seen djéggelé bi ni fu ngeen ko tek ndax tamit moy soxla nañu xam tamit fi mu teggu ndax du ñepp ñoy dégg wax rek nga wax leen rek ñu ne baxna amna yo xamne fokk dalen di jox tarol tamit lu bax la même bu dalil lu bax la surtout sax suñu jamono ji mom bodul indi dalil waaw bu dalil amul nga len neex lañuy def ñen ñi dañ ci eppal ñen ñi tam eppal ci benen bor bi amna yo xamne lu ñew wala dalil wala dalil wala amna ku yere de wala dalil wala dalil am ño xamne ño ñom seen problème moy yoyu mo loy wax nonu la ah alors que bu amul dalil bu amul won kon day tax nit ñi ku nekk di wax lu ko neex di daganal lu ko neex di haramal lu ko neex fo waxe wa mu nekk façon wax sa xala li am solo ci jamono joju kon moy ki koy wax moy kan il suffit mu nekk borom jaah borom daraja ak ko xamne fi mu bokku ñu ki lañ ñu japp ne kon ñom luñu wax nonu la voilà lool la moy sen daraja dal sen notoriété bi ñu am moy deugëral wax yi légui côté dalil tamit bo koku sa koku mo téné touti ñom ñoo téné mais dalil lool doy indi niñ doon wax sank moy niñ doon wax sa liñ joggé xawna ko niru sa liñ doon wax ci côté bo ndax amna ñoo xamne même bo leen joxé texte bi buñ la nan dalil amna luñu xassa japp bu wuté ak mom rek man nañu commencer bon wallahu a'lam buñ man dugg ak yow ci yene détail légui kon ñu né wa légui ana lan moy wané né yeen sen li ngeen dañ koy djéggelé fu mu téggu ñu né likoy wané moy hadith yi nga xamné yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dafa permettre ñuy utiliser xéer yi buñ démé ci toilettes yi ak lolu ak yoyu toilettes yi di tanchu ak yi nga xamné charia da ko yonal ñu né lolu c'est sûr que pour utiliser ay xéer mom amna lu fa dess c'est sûr ñu né comme que lolu dañ koy xam lolu moy charia tenir ci rigueur nit ñi kon dañuy xamnañ né sobé la mais quand même mu bayyi nonu kon lol moy dañ ko djeggele lu toll nonu kon buñu ko amé moy dañ koy djeggele ci sobé légui ñu neen wa légui bon wa lol deug la ñu né bokku na ci li koy deugëral moy li Sayyidina Umar ibn al-Khattab wax radiyallahu anhu Sayyidina Umar ibn al-Khattab dañé radiyallahu anhu budé né sobé bi dafa melni tollu ni comme sama webi lolou duma téré ma julli du téré julli ta hadith bobu Imam Ad-Darqutni rahmatullahi alayhi moko solo ñu né lolou li tax Sayyidina Umar ibn al-Khattab wax lolou hadith bu né budé né sobé bi dafa tollu ni wewam lolou du téré julli kon lolou moy kon ñun buñu né lepp bepp sobé bo xamné bu ndoxé bo xamné wuté dépassé wul lu toll nonu lu toll ni wé kon dañuy xamné ñun am nañ ci dalil ndax Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu du tok rek comme ñun bon nim baré légui tok rek di wax lu la neex ndax sahaba ay radiyallahu anhum ñom uppunte nañu di wax ci sharia lo xamne ci senum dañu tok rek di xalaat non diko wax lool motax façon yu mel nonu sax même buñu moy façon hadith yi nga xamne dañ nan wala atté yi nga xamne dañ koy joxe ñu nan atté bi de mawquf la waye hukmu raf'a la yor moy ci sahaba bi la yem waye day yor atté lu yo xamne dañ ko yëkëti ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam buñu xamne doonu ñoon wax ci diine ji comme diko tek comme ñun ni ñi def nga xamne di daganal luñu neex di haramal ñu neex lepp teggu ci suñ ndax neex na ñom neexuñu ñom meluñu won non motax buñ ne li ni bu ñewé baneta Sayyidina Umar ibn al-Khattab ñom ñepp ci yam nak sahaba yeb la en plus mom ak yeneen particularité yu mel non kon dañuy xamne du lo xamne de ko wax nonu kesse ñu ne lool lepp day degeural ke ne kon buñu defé différence yi ni ne lu toll ni buñu ko gisé ci sobé dañ ko lolou dañ koy djéggelé lolou li moy li nga xamné moy suñuy dalil yo xamné day reugëral suñu wax joju légui nak kanta maliki rahmatullah alayhi ñu andi benen tékantal bo xamné dañoo teunk affaire yi ndax wax bi nga doon wax sank nan ndax ñan ñoko wax wax bi en general moy wax wa jumhur ndax wa jumhur ñom defuñ ci différence entre façon sobe bi ak benen maliki rahmatullah alayhi ñom dañ ko teunk affaire bi jumhur ñom dañ ne façon sobe yeb la bu ci melni rek mughallada yi lañuy wax ndax mu day nek mughallada ma'i'a ak mughallada jamida lool la am moy mughallada yi ci seen bir dañu départager wu moy yo xamne senu sobe dafa tar mais liquide le comme dereet di ñoxone bu deene coaguler wu yo xamne sen sobe dafa tar mais solide le comme bu re dafa coaguler wu légui nak maliké rahmatoullahi alayhi ñom contrairement ak wa jumhur dañ né ñun li ñeen fi wax ni d'accord nañ mais sauf que ñun dañ koy teunk ci affaire bi ci li nga xamne moy dereet dereet dal lañuy teunk ci affaire mom ci lool lañuy teunk wax yiñ fi wax ci lool lañ ko teunk légui nak ah ginnaw buñ xamé lool légui nak mu dess jox ma fi ñu am ay exemple yo xamne dañuy gis ne li façon sobe yo xamne sharia da koy djéggelé kon ginnaw biñ xamé kon moy avi pour bon récapituler muy kon sobe yi dafa am yo xamne dañu gina tar dañu gina tar am yo xamne dañu woyef gis nañ ne shafi hanafiya yi rahmatullah alayhi ñom li tar ci ñom moy li ñepp depo li borom xam xam yi rahmatullah alayhi depo ke ne li sobe la ñom dañ ne lolu tar la ndax le fait que ñepp depo ci lolu quand même du neen shafi yi rahmatullah alayhi ak hanabila ñom dañu japp ne sobe yoyu li ci gina tar ci ñun moy yi nga xamne moy danaka li tax ñuy wax sax mu tar moy mbam xuf ak xaj ak yi genn ci ñom yi juddo ci ñom légi nak ginaaw gi nan lañuy entre ma'i'a bi moy yi nga xamne liquide la ak yi nga xamne dafa nek yu solide ñu ne yi nga xamne dafa solide liñ ciy permettre moy 3, environ 3,7 grammes lu toll lool lañ ciy permettre kanta bu re dafa ndoxé lu toll ni wé kon lool moy atté bi gis nañ ko maliké rahmatoullahi teunkou mir yépp ci dérèt teunk affaire bi ci dérèt ah sauf que bon amna yo xamné mom lool fokh na jarou le préciser moy bu dé dafa nek salas ci nit ki lool li ci cas normal lañuy wax bu dé salas moy dafa muju nek incontinence lool taxatu luñuy wax moy comme dérèt jo xamné légui du gennam gennatul ci anam bu normal lool motax par exemple ñi nga xamné dañ né bon li wone ne dereet ki ñu naan dereet dafa sobewu ñu naan wa jumhur yeen li wone ne dereet bon dafa sobewu le fait que moy non du sobe lool la bëgg wax ñi nga xamne dañu muju ñew ne ci borom xam xam yu muju yi rahmatullahi ne dereet du sobe xam nga bokko na fiñ koy tek moy hadithu shi'an wa moy sahaba yoy nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo len yebalon moy ngir ñu garder ñu bi le won ñu garder goudi gi ndax dafa goudi won voyage la joge won mais sauf ko comme ko fiñ joge won xare lañ joge won mais gaay yi biñu jappé ci ñom ay jam dafa am ben way bu yegne bo mom japp nañ jam ko xamne ku valeureux la ci mom legi nak mu top julit ni ci goudi gi te ñom yeguñ ko yaron salam biñu accé ci ben khour mune ana kan moy monter la garde tay am ñaari sahaba radhiyallahu anhu ñu ne ñom ñu proposer ne ñun man nañ ko def legi nak niñ ko don defé kenn ki dañé legi ñu ne legi nan lañuy def moy ñoko ine legui yaw da ngay nelaw une partie début goudi gi ba ci xaj bi man moy julli di garder walé bu ko défé man mo paré legui man may nelaw yaw nga jël relé legui nak biñu défé lool kenn ki bimi julli la waji aksi gis leen dal di sanni ay xej sanni waji xej mu jam ko même continuer mu sanni wat ko xej mu dindi wat ko moy sa bu ko jame da koy dindi sahaba bi mi jam da koy dindi mais bi nga xame nak affaire bi dem na ba man ko supporter rek mu seug après dal di yek ci dess mujjo ap munako lan la munako amna kuñuy kuñuy viser ni leg munako lan motax yewuma won munako alquran gi ma don jang la bañona tag dama don jang sar aya yo xamne bëggumuko wona dag ta burul won ne damay bañ continuer danger bi aksi ci julit ni kononte kon duma laye damay continuer non même boudé dama ci fatna moy ñom lool la alquran jaralo légi ñom ñu né ñom lañ né li woné né nak affaire bi yeen li du sobé moy koku non bañ ko jamé mais dérëd di da doon gën bu baax ta téwu ko continue julé bu doon sobé la kon doon ko on ba mais dañ nan mais lool wa jumhur né adamun nazif taxul ñuy wax dérëd jo xamné day gën bu baax ba mëno ko contenir loolu lolu bien sûr que lolu taxul ñuy wax né lolu même boudé sobé la lu mel non dañ koy djéggalé mok sala sayam rek ndax nit ki amatu ci maîtrise koku ngén di wax ban maîtrise la ci am ko xamné ñu ngi koy jami xéj mbir yi génn bari ko amatu ci maîtrise bo amé tamit goom bo xamné c'est pareil dérèd ji fexé nga def lepp mais muy génn ko dañ koy djéggalé duñ la né tout temps démal nga raxasiko même ñi nga xamné dañ né sobé la wa ijma wa borom xam xam bi waxul na lolu kon moy ñun yi ñuy wax fi moy ci cas normal mais boudé salas la incontinence lolou dañ koy djéggalé bobu xolatuñ ci nan la tollu est-ce que tollu na comme wé wala non lolou amatul mo xam boudé côté man ñine man yu sobé la ak lénen ak lu man di doon moy yoy bu yaggé do tuñ ko prendre ci encore ndax incontinence du ci walu tour nok ké salay doon wala kon lolou légui nak mu dess kon ana yenn moy yi nga xamné fa ay exemple yo xamné ay mbir la yo xamné dañ ko djéggelé moy comme mi ñox sank sahibu salas ko xamné borom dafa am incontinence ak bu man di do nga xamné lolou moy lan moy li génn ci mom sobé bi génn ci mom nekkatul lu naturel ci mom génnatul ci génn gu naturel lu mel non sharia day da tout temps chaque fois que problème am de lolou masala usuliyé même amon na fi al mashaqqatu tajlibu taysir moy né fu yoyu amé sharia day indi buntu yomb day ubi buntu yomb yomal légui ñu né benen bi moy benen exemple moy dérétu ki nga xamné mustahada la ko da fay day gis mom moy jigen bi nga xamne day bu jor ngel moy musahaba nga xamne mom legui reglam yi regli nektatul moy day genn di dem comme ni mu ñewé ci hadith yu bari ño xamne ay jigen yo xamne ay sahabiyat yo xamne radiyallahu anhu da len doon dal lolu dañuy gis ne sharia di ci ënd yomb yombal moy bokatul que ne comme ko xamne day genn ci yoon wu normal benen exemple bo xamné moy ko xamné nak dérèd bi day continuer li bari mais di continuer tek wul né minute bune mu ngi genn non lolu du lolu di continuer moy bu bari way bi moy lo xamné genn na journée bi di genn ben ba ñaar lo xamné du li xamnañ la du genn ni normalement def ni lolu dañ koy djéggalé moy du né dañuy xaar ba mu nekk 7 fois 10 fois ñu doora né affaire bi moy lo xamné dafa continuer non légi benen exemple moy ko xamne dafa am basour muy jangoroy emuruy jangoroy kadior boudé né day lal yirem ko boudé il suffit ben yon ci jour bi ko dañ ko koy djéggal ndax mbir mi boudé yoy yep ay yomb la sharia di teural am kenen ko xamne tamit dañ koy djéggal lañ koy djéggal yi nga xamné moy yi yépp ay sobé lañ mais dañ leen di djéggalé moy ki nga xamné jazzar la jazzar moy le boucher ki nga xamné ci ki bi la né ci abattoir bi wala ci fora bi fora fulé wala moy yoy rek wala waaji nga xamné lool moy ligéyam ci xar yi wala gilé mi ci lool lay né ak nag yi di rendé ko fess koku moy yoyu nonu mom dañ koy permettre yere yoyu yerem yoyu mu ci meuna julle mais sauf que li geun dañ nan ko bo amé bo mané nga am nak yere bo xamné dang ko fi tek ngir sa julli lool mo geun mais duñu ko tenir rigueur que né comme que mom yere tak na dere rek que nit kon automatiquement dakoy summi non contrairement ki nga xamne mom lolou du métier dafa ñew def ko tay ay yereem tak koku kenn du ko ne demal julli ndax kat waji non waji nga don jappale sank yow comme wa kay ko xamne mom lolou métier man may xaritam ben jour rek dem diko jappale affaire yi tak ci man comme ni mu tak ci mom lolou moy manu mané buma né non man mom man na julli ni la oustad diou néwon na man mom man na julli ni man manu mané ah kon kay man grawul non parce que mom li tax moy ci la sax da ci sax diko def tout temps lolo tax mais yow nga ñew légui yow mom dañ nan la yow raxasiko wala nga soli lenen mais mom dañ nan ko nak bo amé fexel nga out benen yéré bo xamné lool moy li gën nga ci julé nako nonu même yi nga xamné sax du sobé mais day man na loraté façon yenn tenue yi yenn yéré yi dañ nan la nga out ben bo xam dang koy tek sa wét fi ngay nek comme mécanicien ak yoy duñ ne ko li nga sol sobé la mais bu déné dafa wara dem di julli ci bolo mi bu boba dañ nan ko fexel nga out lo xamné quand même do takal ñu ci dess lool la mais moy yoy lool lañuy wax ku mel non kon ku mel non jazar dañ koy jéggal ak ki nga xamné mom limi liggéey moy ci sobé yi lay liggéey comme ñi nga xamné ci force sceptique yi lañuy liggéey ñoñu tamit moy yoy dañ leen koy jéggal voilà li da ngay gis na ay cas particulier la nak comme liñ wax sank du lo xamné dang koy mëna généraliser voilà moy ñi nga xamné ci lool tamit lañuy liggéey dañ leen koy jéggal ñom ci sobé yi lañuy liggéey tout temps guddeek beccëk wala beccëk en tout cas sen mom moy sen métier mom lañuy liggéey ñu mel non dañ leen di jéggal lool ak ki nga xamanté né am médecin la bo xamné day def ay opération moy koku xam nga né koku moy opération di dag di fess biiru nit ñi di téppi ki ak yoyu yu mel ku mel nonu momit ya fay yi nga xamne da fay genn ci nit ki mo xam ci dereet yek yoy diko laal koku yoy tamit dañ ko koy jéggal bokku na ci ñi jéggalé moy wéñ wéñ bo xamne dafa dal ci sobé dal di ñewul tak ci sey yéré ah ndax loolu xam nga loolu nit man na né mais wéñ bi saay xola sobe bi mu taxaw ba pare taxaw sama yere moy ma nga am reflexe damay dem raxasu ko non sharian yombalan la lol moy ku mel lu mel nonu tamit dañ koy jéggelé am benen buñuy jéggelé moy yi nga xamné day génn ci picci nga xamantene ak animaux xam nga animaux yi mais yi ñi wax waxon nañ ko sam moy buñ né animaux yi nga xamné yu touti lañ animaux yu ndaw yu touti mais même buñ né animaux yi kessé sank waxon nañ masalam animal animaux yi kene da ñuy lek seen yapp ak luñ dul lek seen yapp kon buñu na ni ñuy jéggelé c'est sûr que moy kon ñu dul lek seen yapp ndax yi ñuy lek seen yapp mom du façon dagan nañ ba paré lab nañ bok ba paré la bëgg wax kon yoy taxul ñuy wax kon mais yi moy dañ koy djéggalé yi nga xamné sen ki la excrément ou ki yoy voilà dañ len di non pigeon non pas pigeon dañ koy lek waaw tayr joju ñuy wax mu bax la si non ñun de motax ma def sank différence bi kene waxon nañ sank affaire animaux yi yiñuy lek dañ leena catégoriser won entre luñuy lek yapom ak luñ dul lek sen yap liñuy lek sen yap mom taxul ñuy wax kon pigeon mom bokul legui kay yaw da ngay xol ñi nga xamne comme ki tan yi charognard yi voilà ñooñu voilà moy ñooñu ak ñi melni ñom ah ñi baaxoon ba a ñom baaxoon wa legui amna benen tamit bo xamne dañ koy djegalé moy comme ndoxu yi nga xam day ta ci mbeddi budene moy tanu ko len day jafé comme inondation am mais wal a'yad billah ñun da ngay gis yenn quartier yi dañ ci profito di vider sen force yi ci biti lolu nak du lit du def lolu do xal la non boudé suñu réew yi da ngay gis ko xamné ño xamné ag nañ ci ak soufé d'esprit lool nañuy doxalé dañ ci profito mo da ngay rom mu lér na né du xétu li ni du xétu taw bi ndoxu taw bi kessé ak souf si mo mélanger wu mel ni ba paré nga gis yenn force yi nga gis ñu ci joggé directement mais xalaatuñ sax lor bi nga xamné mom lañuy lor seen bokku julit mais ñom comme que ñun li xol rek moy na suñu affaire baax alors nak julli du démé non du waru la doxale non moy loy def lu ne dang ci waru sura ala sam est-ce que duma lor ndax la darara tamit wala dirar bu lor sa bop mais bu lorate quand même voilà kon moy façon yu mel nonu ta amul au de ruissellement nga xamne day ta fu nek nit ki manuko moytu ta amuñ fenen fu meuna jaar mo ci ne même boudé dafa am sobé lu mel non dañ koy djéggalé dañ koy djéggalé benen façon bo xamné ah ta lolu moy yi nga xamné buñu ko xamé rek moy règle bi dal moy lepp lo xamné sobé la mais diko moytandiku dafa nek lo xamne lu difficile presque lu mandane la wala lu difficile gesse lu difficile mais lu difficile la tekkuul ne man bon man yow mu leer na ne man nga fe teggi jaar fele nga nan no man nak bon man tayel du difficile tayel ak difficile bokul ak difficulté la paresse ak la difficulté lolou luñu ben motax lepp lo xamne dal moytandiku day nek lo xamne lu jafé la moy comme dereet biñu xon sank adamul nasif nga xamne buy genn day genn bu baax nit ki man ko contenir yu mel non dañ koy ba djegalé ak leneen yo xamne ay sobé la yu mel non ah malikiyyi rahmatullah alayhim ñom dañ ci bolé benen affaire dañ ci bolé que ne comme tiñi pou ñom buñu dépassé ñet waaw wala ñom moy li moy code wax ji ni moy ñom la concerné bu dépassé ñet moy bu boba nak day genn ci liñ fi wax yépp wala kon moy bo rayé ñet téñ mom nara wésu di ray ñent ci sa biiré ah bu boba ñu la nak légui nak ce li nak djéggalaté bu ko kon nonu moy li nga xamantene moy yiñu djéggalé mo ngo kon da légui moy même yiñu limni amna yo xamné yu bari yu dess mais moy règle bi lén la lepp lo xamantene sobé la mais nga mayte ndako day jafé wala mu nek lo xamné nit ki métier la bu muy def di jam nga xamné day cotoyer lolou tout journée bi yépp yoyu lañuy djéggalé lu ko moy rek moy yoyu dootuñ ko djéggalé kon lolou mo jëwone ci masala yoyu xamna kon inshallah kon lolou mo don dernier masala bi légui kon bi di ñew mu dess suñu dernier hadith xamna bob mom de li ci masala yi bari wul nonu après dañuy enchaîner ci masailul usuliyya inshallah al fiqhiyya inshallah taala wallahu taala alam jazakumullah sauf que daf na ne ki di namp de tudal ngom ki len ci di nampal ak ah waw baba bob dama ko fatte won moy ki nga xamne day nampal comme moy ndaw si nga xamne day yor blir di nampal xalé ab lire moy yi nga xamné day jogé ci mom mo xamné ci xalé bi moy né lolou tamit du tout temps lañ nane ko fumu laal rek demal nga raxasu ko ñum gina gaay yoy dañ koy djéggelé ndax mom moy duggu ci règle biñ waxon sank rek mom day melni mbir mi métier la ndax goné ni mom lay yor tout temps ndax lolou mom lay nampal mom lay ki légui nak du né mom fu ko dara tak ci yoy rek da ko wara raxasu automatiquement dañ koy djéggelé mom da ciy duggu jazakumullahu khairan ba ko fatte won wa moy liñu waxon sank dané bouré né waji du liram comme ben way bu yorop xalé ni lolou moy liñ waxone sank kené moy liñ waxone ci walu borom métier bi moy né ki nga xamné mom mo koy nampal bokko la ki nga xamné occasionnellement lu ko téy ki ko téy occasionnellement c'est sûr que bu ko lalé ko dañ nan ko demal nga raxasu contrairement ki nga xamné mom comme yayam la wala nampal mère la mère bi koy nampal rek ah yow peut-être nous comme nous wa mais bien sûr que pour une seule journée non pareil mais non attendez il faut que balle il faut que nous am ben mur bo xamantene ñu koy bayyi xal moy soudé dañuy léral ben affaire su xëssé suñu xëssé ba wax ben règle bu général ba mu lér jarul tout temps ñuy dugg ci affaire compliqué wat après benen laj gëna compliqué wat après ñu gëna duggat benen non lool il faut que ñu ko éviter question bi moy est-ce que jigen ji di nampal parce que sank mi ngi doon wax na affaire wu ki di ki def métier ben affaire kon ki nga xamantene mom la wax di concerner moy ki nga xamantene mbir mi daf koy def au quotidien ki nga xamantene du def ben affaire au quotidien kokou les choses ne le concernent pas c'est à dire qu'il faut que ñu comprendre tamit manam à travers wax yi il faut que ñu comprendre justement objectif bu baax wax di et que souf xese ba leer ñu jël lepp xamné li motax ñuy wax et que à chaque fois ñuy ban di manam muy nek genre question yo xamantene manam tout temps day gëna compliqué wax di après benen ñew ñu indi benen complication et cetera ki nga xamné mom lañuy jéggal ay mbir moy ki nga xamantene da fay affronter situation yi mais au quotidien su fekkentene même ki nga xamantene mo jur dom bi soudé du mom moy nek xalé bi au quotidien mbir mi door ko concerner ki nga xamantene mom lay concerner moy ki nga xamantene moy nek xalé bi au quotidien métier muy boucher bi muy médecin bi muy ki nga xamantene moy ki di manque force ak ñeneen ñi nga xamantene dañuy jankonté ak ay sobé au quotidien ñoñu le mbir mi concerner képp ko xamantene do jankonté mbir mi au quotidien et que occasionnellement nga lay lay concerne yow bokulo ci wax bi ki nga xamantene dafa am goom bobu nonou tay mu gis ni goom bi tejuna li nga xamantene mo tak ci mom daf koy dindi su fekke dina goom bi day soté ko et que dañuy obligé diko bandage wala bok diko di ci tek tap pansement bi et que à chaque fois suñ ko dindé mu indi wat ñu gis mu takati lool tamit dañ koy diggalé mais su fekkentene dafa nek lo xamantene day dind de manam buñ ko ci téggé affaire bi dara du guen et que xam nga leg passement ñun biñ nekké xal dañ ñu légui xeyna c'est moins rare ñu sepp ni rare légui c'est moins fréquent que ni dañ ñu dal defal dañ am gom ñu defal ñu bandage ñuy gis gom bi bandage bi ñu gis dara gi genn ak yu mel non lolou mom dañ koy djegal mais li nga xamanteni merul non lolou kenn du ko djegalé c'est à dire que aussi il faudrait que suñu tudd ci règle yu général yi ñu comprendre ci manam wax di manam ñu comprendre que ni li moy règle bi maintenant cas par cas yi après ñun ñoko wara déduire manam tamit su fekkenteni manam la question est très simple. Su fekkentene mbir yi dafa fréquent parce que 14 mbir yi nga xamantene mom la malikey wax rahmatullah alayhim tuddé ko né ñoy yi nga xamantene ñoy lañu djéggel ak duñ ko djéggel 14 yoy duñ ko tuddu parce que dañu def liñu tuddé ki la naka la tuddati moy buñu topé mbir top affaire yi hein manam buñu yag top situation yi cadre figure gis ne cadre figure li la mais sinon lolu day évoluer selon époque aussi hein istiqra voilà moy istiqra manam ala sabil tatabbu' wal istiqra manam dañu ya le fait que ñu yaaka top mbir mi ak tamit yag gis ne dem ba matal dal ni ha gis ne ni circonstances kat condition de cadre figure kat li rek la li la moy comme rek yent bi don wax sallallahu alayhi wasallam bim nan tun ka khul mar at li arba jigen dagn koy tak pour ñent mais lool tatabbu ala sabil tatabbu awal istiqrar manam dañu yag dañu yag top li gis ne jigen ni kat ñi leen di tak xol nañ leen ba xol waye sa yu ñu leen laaje gis nañ ni affaire bi day retourner wu ci cadre figure yi nga xamne moy carte moy ne soit daw ci dafa rafet soit daw ci dafa am alal soit daw ci dafa am askan wu bax la bok soit wala bok ak askan bu mu bok wala bok dafa am diine mais sinon lolu époque yi daf ci jouer aussi par exemple ñun suñu époque amna mbeureul buñ ci mëna yok par exemple moy le fait que buma ande ak mom ci sunu ci sama gaay daf ma joyo ko balal lol tamit benen la ak yenen ak yenen yu mel non wala bok ndaw ci intellectuel la lol tamit amna benen muy 5 mais lolou c'est que solo époque biñu waxé tamit wax ji dañ koy meuna teunk ci lolou voilà légui en tout cas li nga xamné mom la ci djublu won moy il faut que ñu résumé mbiri ma ñuy xamné mënuñu jël cadre figure yépp diko wax mais que luñu wax ñu xamné li motax ñuy wax et que ñu japp règle générale bi japp li nga xamanté no après ñu mën koy situer ci mbiri o ka par ka wala pour moi, il y a deux causes possibles. C'est soit on a allégé parce que c'est pour que par le cas, la femme elle est fatiguée, etc. Donc on l'a allégé. Ou bien on l'a allégé parce que le bébé il est tellement fréquemment en fonction de la cause. Pour moi, si on comprend la cause, si c'est la première ou la deuxième, alors à ce moment-là, dans la vie de jour. Mais je pense que c'est clair maintenant, non? Oui, maintenant c'est clair. Voilà. Mais ce que je voulais te dire, c'est que la question c'était pour la cause. Oui, oui, mais on l'avait déjà dit. Et donc, du coup, ma deuxième question, c'était de savoir... En fait, j'ai pas compris pourquoi on n'est pas tout de suite allé à l'allègement, les questions d'allègement, là. Et pourquoi on a fait la distinction entre les souillures grandes, comme on a dit, le sang ou le mort, ou bien le vomir. La logique entre les deux, je n'ai pas compris pourquoi on n'est pas allé directement à l'allègement. J'ai l'impression qu'il y a un truc que je voulais. Parce qu'au départ, on a dit qu'il y a deux types de catégories. On a dit qu'il y a la catégorie comme le vomi et la catégorie comme le sang. Par rapport à quoi? Moi, je suis venu voir si Anna Jassar est morale. Je suis venu voir si Anna Jassar est morale. Manam lan moy lien ñaan ko parce que après tuddu ñu ben yon muhafa fay ndax dañu leen djéggalé directement wala parce que après liñ développé ce moral zay en fait pourquoi on n'est pas allé directement aux allégements sans doute qu'il y a quelque chose à dire c'est ce qu'il a dit en colloque non je sais pas si comprendre les kon xara wa L'état de différence, bon, bon, dans les... En fait, elle sert à quoi cette différence? Ouais. Pourquoi dans le APLA, on va directement dans les 14 allégements et on les allégements? Je suppose que si on a fait la distinction, c'est qu'il y a quelque chose derrière. J'ai pas compris. Oui, bien. Voilà. Bismillah. Bon. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alors, l'état de quoi? Premièrement moy lepp da ngay gis hadith biñu joge ngay xol dañu gis na yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa catégoriser dafa def différence entre lo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ne sobe la ben bi bo xamne budé bu jigen la mune dañ koy raxas ta lol dañ koy raxas moy comme niñi defé bu mat même sobe bobu mune boudé dafa joggé ci lire bu goor dañ ko woyofal kon différence bi ndax borom xam xabi rahmatullah alayhi d'accorduñ ci lepp ana lan lañu woyé fal ak lan lañu woyé fal lool motax sank bi wax ñu né hanafiya rahmatullah alayhi ñom ñu teunk ko né yi nga xamné ñoy yi nga xamné dafa tar moy lepp lo xamné borom sobe bo xamné borom xam xabi rahmatullah alayhi dañ ci depp ñom ñu né lool la ñu né yi nga xamné depp wuñu ci yoy moy yi nga xamantene lañu japp né dañ ko woyo fa ndax boudé depp wuñ ci moy ñenn ñi dañuy japp né dafa tar ñeneen ñi né tarul légui nak différence bi fum nek moy li tax ñu wax mukhallada ak tamit kessé té ñu atté mukhaffafa moy yi nga xamné d'accord nañ né li dafa sobé la mais comme dafa woyof ñu dal di koy djéggelé mais djéggelé ban façon moy soit ni ñu koy dindé du yé mat ni ñi dindé bo xamantene sobé bu tar la comme bi ngi sank ci ci bu lire bi lire bu goor moy né sobé la mais woyofal gi ngi ko woyofal motax ñukoy wiss façon wiss gi maliké rahmatoullahi alayhi wa hanafiya mais tekki wul ke né duñ def dara dañ koy bayyi non non moy duñ né woyofal lañ ko kessé tamit moy dañuy moy né duñ ci dañ koy bayyi non non moy buñu ko woyofalé moy procédure bi nga xamné mo ngay utiliser ngir label bu réné bu tar bi la bobu day procédure bobu dootuñ ko soxlaati légui nak exemple lol moy exemple bi ñu am ni ci tour ndoxu ki nga xamné lire bu jigen la non bu goor sobé la mais mi ñu koy dindé dafa contraire rek li nga xamné mom lañuy dindé sobé bu tar naka nonu lañ am yeneen exemple yo xamanteni ni ni ñu koy dindé moy dañuy gis né sharia dako woyofal comme li yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam doon wax comme dal yi mune nang ko xos bu kenn yegge ne dalam dafa am sobe nang ko xos mais moy lolou dafa bok ci ñoy fal xam nañ ne sobe surtout bu de ñi nga xamne ñoy wa jumhur maliki yek shafi'i yek hanabila yi rahmatullah alayhi ñom sobe liñ koy dindé moy ndox koy dindi te d'accord nañ ne li hadith bobu wax ne buñu ko xosé lool dañ ko woyofal non lañ koy dindé moy ñom xam nañ ne japp nañ ne ndox lañuy dindé sobe mais sauf que comme que dañ ko woyofal lé dina ci doy ta hadith be ko wax benen façon benen exemple bo xamné dañ ko woyofal moy li hadithu say yaay ummu salama bi nga xamné moy jigen gi nga xamné day sol yéré yu gudd moy jigen ndax ay yérém dafa wara jot goor buñ né ko limi sol waru la dépasser kiwo mi bokku la goor bokku la jigen yaron tou salam dafa wax ñom nañ ci yokku sax ba muy laal souf ci mais bi ko ndaw ci waxe lool laj ko lool radiyallahu anha ne ko man jigen la go xamne damay sol ki muy bubu non laj bi moy day ramasse ay sobe nan lay def mu ne ko souf ci li ñew après moy buul dox non lepp sobe bu ci nek lool non du koy jidi lool façon sobe la moy façon woyofal la moy ne newu ko bo paré lool di bubu non bu amé sobé démal nga raxasiko dané ko li nga xamné boy dox non souf ci mi jaar xoss bi mi xoss ci souf ci non lool doy na ci lool façon mukhaffafa la moy né du né dañ né mukhaffafa la nañ bayyi non buñ ci def dara non lool wouté nak dañ ko djéggelé yiñ nane dañ ko djéggelé moy waji du ci def dara dañ nane ko sauf que liñu nane mu out comme jazzar bi waji boucher bi yoy kené ak ki nek ci force septique nga out benen yéré dé mo gën moy lool ci walu ngeene lañ né que li mo gën alors que boudé dafa woyof kessé moy niñu ko doon dindé en d'habitude normalement waron ko raxasi ci waxu ñom wa jumbur nga xamné sobé wop automatiquement liñ koy dindé moy raxas yi nga xamné dañ ko woyofal comme yima wax ni dal bi am sobe non ki yere ndaw si bi bubu ak bi ni muy ndaw si ki tour ndoxu lire bu gor bi yoy yep dañ ko woyofal mais dañuy gis ne procedure biñuy dindé sobe bi dafa gina woyof ke bu don ne bu tar la wallahu ta'ala alam wallahu loy don donc en fait en résumé moi déjà pour nous comprendre lan motax ñu joggé ci bu tar ñu maam ñu joggé ci digënté lu tar ak lu woyof mu nekk ñu indi lien bi après ginnaw gi ñu wax yi ñu jéggelé manam moy yi nga xamantene voilà ñu voilà lu ñu jéggelé moy lo xamantene normalement ñu ngi fi mais que acte biñu warona tek ci kaw dañ ko woyfal en d'autres termes lool la lool nak liko indi mom moy hadith bi nga mom moy parce que tamit nekkunu ci ki quoi manam nekkunu ci fiqh pur et dur dañu nek ci commentaire hadith c'est que mas'ala fiqh la nek d'accord mais ci commentaire hadith la te hadith bi mom mo def différence entre ci lo xamantene sobe la mo def entre mo différence entre li nga xamne dañ koy woyofal ak li nga xamantene woyofal moy budé mbéwol la bu gor ak bu jigen ci goné moy donc différence bob lool moy ben ñaaral bi ci dess manam mom moy khalaf yi rahmatullah alayhim ñom ño indi principe manam ni li mu ghalazala ak mu khaffafa ba pare indi digeunte li nga xamné jamila la ak maria bon ñom ñep dinañ ko dañ koy def mais ñom ño ci gëna insister voilà légui que ñom motax ñom ni ñi attéwé maintenant lo xamantene dafa woyof a sobe bu woyof ak atté bi ñi tek ci sobe bo xamantene wax nako légui sobe bi nga xamantene dafa deugër lool wax nako bu fekkentene atté liñ koy atté mo dañ koy dindi ak sobe bo xam ak manam il faut que affaire bi ag 3.7 grammes lo xamantene dafa deugër mais su fekkentene dafa dañ ko dafa woyof ba para nek lo xamantene dafa ndoxé lool manam lool ñom ki bi lañ koy xol manam cieur bi mu laal ci yere bi ñom cieur bobu car bi lañ xol ñom cieur bi mu laal ci yere bi ñom car bi lañ xol parce que ñom dañu am principe ne car bi a partir de car bi ci lañ xamé ni nangam bari voilà donc ñom ci que car de figure bobu ci lañ commencé né li dindi ko dafa nek lo xam dafa ragné légi nak buñu défé différence bobu après c'est bon légui c'est normal que après ñu jall ci li nga xamné dañ koy djéggelé parce que buñu djuggé ci li nga xamné dañ ko dafa dëgeul dafa dëgeul après mu ak li nga xamné dafa woyof après dañu jall ci li nga xamné moy dañ koy djéggel parce que il faut ñu xam ba xam amna wala amul ak pourquoi ñu koy djéggelé voilà Non. C'est une question qui est belle ou qui est belle. Voilà. Voilà, non, voilà. En fait, mbewolu gilem dafa comme niñ ko gissi won dafa dagana lek dafa dagana nan parce que yentou sallalahu alayhi wasallam moko dafa comme sa faram mom ak meew lu bolo legui fofu waxu ma yap gilem li tax ñukoy nit ki bu ko lekke mu di japp lolu lient bi wax la sala salam daf ne ndax defal li anha khulqat min ash-shaytan c'est parce que dañ ko bindi ci shaytan après ci la joxe exemple ci riwaya bu nek sunan imam abu dawud rahmalahu neena xana gisoo len geulem su mere day tepp du taxaw day cippi te day gagner xam nga koku lool moy jikko shaytan la mingi wala ci lañuy gisee ni manam limu bëgg wax ci manam limu djublu ci wax ji tektelewul ni matière seitané mo composé manam ci mom moy ciosan biñu créer di geuleum comme ni nga xamantene non lañ créer jimmi ci tak tak et que nit ñu ngi koy créer ci ban mais que limu ci djublu mom moy né dafa yor jikko joju manam comme ni nga xamné non la alcorane waxé né khuliqal insanu min ajal nit dañ ko bindé ci yakamti manam moy né naturellement ak yakamti da bok ci liñ moñalé nit gillem tamit jikoy sétané gogou le fait que muy gawam muy def sa yu méré day gagné té du neex téyé et que day cëpp ba paré dafa nek ko xamantene tamit du faté né toñon goko par exemple soko toñé du ko faté fi ba timir ak ci kanam bula djeko dalay donc yoy yep ay djikko lo yo xamantene dafa nek ci gellem motax yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne jikko jodi nak le fait que mu nek ci mom kon del japp ngir lolu manam parce que dafa ne japp day fay nena parce que dafa ni al wudu yutfiqu ghadab ash-shaytan wa al-ghadab yutfiqu al-ghadab njapp da fay fay li nga xamantene mom moy mer lolou mom motax bi amé ben wat mune d'ailleurs exemple parce que da la al wal ghadab min ash-shaytan te mer ci shaytan la djougué exemple bi mu joxe moy gissone lutax xana serlu wulone parce que da ne xal la en fait bo xamantene xal la bu shaytané di def ci xolou nit lolou moy mer ab xal la bu shaytan di jël djougal ci xolou nit et que motax mu joxe exemple ni lolou tax ngay giss ku mer ngay giss ba di xong legui yow suko defé soko defé da ngay daali japp ngir mu meuna fay xal bobu parce que xal liko li anti dot bi mom moy ndox non la tamit jikko sheytane gogou anti dot bi mom moy ndox mi nga xamantene japp la mais doxum japp wala ca ngayal farata yoy anti dot la ci ngir mu meuna fay jikko sheytane gogou nek ci geuleum li waral lolu nak du sobe wala ñak sobe lolo tax borom xam xam ñoom d'accord nañ ci rahmatullahi ñoom ñep ñi japp ne ay dem alu geuleum wala ay tour ndoxam sobe la ak ñi wax ne du sobe ñoom ñep ci yam ñoom ñep d'accord nañ ci ne mën nañu julli manam ñoom ñep d'accord nañ ci ne duñu julli ci fi nga xamantene mom moy fiñu yew geuleum buñ fa julli et que ku fa julle tamit sa julli pour ñi japp ne sobe la du baax parce que dañu japp ne sobe la ñi japp ne du sobe du baax parce que dana baax parce que dañu japp ne du sobe tout simplement mais que manam ñom acte bi le fait que ngay japp ju wa amul influence manam lek yap gele mom ñepp japp ne dagal na amul kenn ci jul ni manam ci borom xam xam la bëgg wax wa lolou lay wax wa lolou lay wax manam julit ñi ñep amul kenn ci ñom ku japp ne yap geuleum dagalu ta lek amul mbolam julit ñi manam borom xam xam yi la ci djublu d'accord nañ ci lolou voilà mbolam borom xam xam yi d'accord nañ ci ne lek yap geuleum dagal na donc cause bi dañ koy sét ci fenen et que cause bi tax ñuy japp wat donc la tax ñuy japp wat bu ñu lekke yap geuleum ci walu jikko ji lay andi o kon donté borom xam xam yi wuté nañ rahmatullah alayhi ci ndax lek yap geuleum day yak japp wala dit comme hanabilay rahmatullah alayhi ñom dañu japp na lek yap geuleum day yak japp mais cause mais que vrai raison bi mom moy ne lek yap ngeuleum buñ né japp wat bi nga xamné mom lañuy wax manam daño sopp ñu japp wat et que japp gogu luñ sopp rek la lu ko waral parce que jikko yi nga xamantene mom la yent bi wax né sallallahu alayhi wasallam moy jikko yi sheytane yi nekk ci geuleum mom lay bañ mu wal nit ki nga xamné mo koy lek parce que nit suy lek dara jikko ji loola yor daf koy wal lolu bokku na ci li borom xam yi di wax rahmatullah alayhim né mom mo waral ñu haramal lek yap mbam khu lutax parce que yap mbam khu ak ndegmenti d'ailleurs ndax ndegmenti jikko jodi dafa gëna fess ci ñom ke nim fess ci gëlem ñom xat ñom til ñom kayne ñom buki ak ñeneen ak ñeneen ñu melni ñoñu jikko jodi nam feñé ci ñom dafa gëna graw ni mu feñé ci ñi nga xamantene muy rubb kat yi ni ke nim feñé ci gëlem et que kuy lek masalan mbam khu comme li al imam abu hayyan wa rahmalahu al andalusi ci bahrul muhit ci bimi sharh ci ay yi bi nga xamne ñom ñoy wax walu lek yap mbam khu ni harame mune parce que mbam khu dafa bok ci ay jikko moy dafa fiwu mbam khu fiwu mune te ñun gis nañ ko ci suñu dëkk bi fi parce que Espagne la dëkkon mu ne ñun gis nañ suñu dëkk fi nit ñoñu mel manam ñi lek yap mbampu ñom jikko joju niñ ko amé fi manam ñak fiir té subhanallah jikko joju dafa légui yaatu ba nga xamantene problème liñuy gis ci ki nga xamantene dafa fiir manam ki nga xamantene dafa manam subhanallah ba da ngay gis nit and ak soxna mu bis gaayep mu bis na amul problème ya pas de problème non c'est normal et que ki nga xamantene moy affaire bobu mom lay gêné kokku mo normal lu lool moy ñak fiir wala iyaz billah wala iyaz billah parce que lool lañ wax dusur moy mi ci yent bi ne sallallahu alayhi wasallam du duggu aljana moy waju fiiru dayus la bëgg wax wala yent bi sallallahu alayhi wasallam ne du duggu aljana lutax du duggu aljana mom keur gi meun nga dugg ñak ko tas ko te du yëngu ci fiiru té légui lolu moy généralité bi té lolu c'est très grave subhanallah hein comme li waji do wax néna légui kër nit dina dugg ci kër gi ba togn ci doomu jambour té kenn no xam turum ndax nu mu tuddu gayen dem légi lan lañu laj kan mo ku togn doomu jambour ñu né gayen xam nga gayen mom du tuddu mais lolu ki di lek yap mbankou da fay fenc mom ki di te lolu lu mata baye xel la parce que ki lek yap yi nga xamantene yap mid tamit day am jikko jojo day am mais mom rek mom li ñi dindi ci mom moy ragal yalla ki lek yap mid mom ragal yalla moy denc mom voilà ki lek yap manam et cetera manam mbir yi nit ki limi lek day am ay conséquences jikko ci mom niki nonu ki lek lu daganul lolou mom motax ak njub du ko yomb wala du njub manam lolou cause bi dañ koy sété plutôt ci conséquences lek mbir mi mais comme que yap gilé mom dagan na et que problème bi meun nañ ko éradiquer ci ci japp lolou mom motax ñu japp lo ni mais après amul rapport ak ni voilà mais sinon mbewolu geulem mom day fadiaté voilà manam ñar ñi nek ci geulem aussi am nañ té bokku na ci likoy walé moy le fait que borom subhanahu wa ta'ala diko joxé exemple bimu nan afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at et cetera manam jikko yoy nga xamantene ñom ño nek ci geulem ba tax borom subhanahu wa ta'ala di woné diko joxé exemple manam meuna muñji par exemple ak le fait par exemple tay geulem meun nga ko yann dara diko dawlo mu daw toute une journée te du taxaw bu la taxaw lo duna lek duna laaj lu mu lek duna laaj lu mu nan e que bu nané manam da fay tey dara bu ko nané après da ko manam meun na denc dara ci biram nga xamantene pendant ay jamono yu yagg yo xamantene du soxla wat nga diko wugat ak yenen ak yeen ay jikko yo xamantene quand même am nako yo xamantene ay jikko yu bax la yo xamantene manam meuna muñjek man nek service nit ñi et cetera contraire voilà contrairement ak ñom gayne ñom segg et cetera voilà lool voilà wallahu ta'ala on peut manger la viande, pas leur, leur excrément ou leur urine, c'est pas impur. Ouais. Mais par exemple, pour les animaux domestiques, tels que les chats ou les chevaux, enfin, est-ce que c'est impur ou pas? Oh, en fait, mousse. Ya yapam non manam mousse dafa haram lek lol mom motax kon ak dem alam ak tour ndoxam lol tax dafa nek lo xamne sobe la comme nit sobe la kanta fas mom du sobe du fas du sobe manam lutax parce que yapam ci bop du sobe yapam def awa mais voilà mais les animaux qui sont enfin comme l'âne mbam par exemple mom bu touré lo sobe la ak dem alam sobe la moy tout prohibi non waxon nañ né dafa dagan et que buñu né dañ ko sip manam ci buntu riayatul khilaf rek la manam sa monté wouté gui la rek mais sinon fas mom dafa dagan lek lepp lo xamantene sharia ñewul leral ne li dafa haram lol dagan na wala bamu dess li nga xamantene comme bax la moy mulé wala yakana bado lañ koy xam non ba bardo wala gaayé ñom dañ haram wala moy doom fasan bam mais lol le fait que mu am bam motax li nga xamantene mom moy ci cas de figure garab yi nga xamantene ñoo ñoy garabu asma yi yoy nonu comme duñu lo xamantene luy dugg ci bir manam luñuy lek la luy dugg ci bir bax la mais ngelaw la bu boba ñom bokkuñ ci nga xam parce que bu fekkentene maintenant dafa alat benen bir moy su fekkentene amna xet gu spécial buñu am ak ah d'accord doko wand mais du dugg voilà parce que lepp lo parce que boudé day dugg ci day jall ci bakali té mu nek poudre bu boba day dañ koy téré day yak koor mais su fekkenté né manam ci sa lamine lay yam rek manam ci biti lay yam rek lool du yak koor lool mom moy comme par exemple ki di mos limi togg boudé ci lamine bi lay yam rek mais bu ko wonna so bien sûr que day yak koor manam règle bi fofu mom moy luñuy wonnaasu ak luñ dul wonnaasu su fekkentene luñuy wonnaasu la day yak koor su fekkentene du luñuy wonnaasu du yak koor su fekkentene luma jël la mu dugg manam mu nek luma xëcc mu nek ngelaw mu dugg lolu du yak koor parce que li yak koor moy li nga xamantene day nek lo xamne day res il faut que muy res li yak koor lol mom motax tay suma amone ben par exemple deureum tay par exemple suma won non deureum wala ma won don du xeer ni bu moyu deugar yi ni lolou yak sama koor manam il faut que mu nek lo xamantene luy res lay don lu dugg ci bax tay res maintenant lolou mom motax yi nga xamantene duñu jaar ci yoonu bax te duñu res manam yoyu duñu yak koor kanta règle bi lepp lo xamantene day perturber règle ci ciossane da fay nek lo xamantene dafa haram lutax parce que day perturber fonctionnement wu nit ki et que li perturber fonctionnement wu nit ki ci ciossane day nek lo xamantene day meuna indi fièvre té lepp lo xamantene diko provoquer day indi fièvre lool bu boba ci ciossane day nek lo xamantene dafa haram bamou dess nak ci cas de figure yo xamantene daganal nañ ko comme cas de figure ki nga xamantene mom moy ki at té ñu comme ni jigen ñi nga xamantene at nañ Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ñu dem aji di fekk nan ben garab bo xamantene ben reen la bo xamantene day buñ ko nané dalen di téré gis sen bax lolou parce que lolou mais lolou période aji la parce que at bi at ba at lay am té mëno ko rattraper loolul ci période 10 jours du manam ci période bobu non et que Arafat mëno ko taxaw loolul ci jour bobu et que nit ki manam ko dafa bëri ay contraintes en fait at ay do parfumé wo do def li wo do manam yu bari bari la lat yo xamantene et que nit ki su fekente par exemple tawaf bi mu wara tawaf kaaba gi amul ben temps bu mu ko def ci bir et que nit ñi dañuy ñibbi te mom dafa am ñu mu andal ak yoy yep te bu boba day manam suñ ne ko da ngay manam règle bi manam su ci gisee règle lool day waral ci mom bu ñibbe itam manam parce que du meuna tok mom kesse legi su ñibbe mom kesse faaw day meuna day samonté mbolem li ki ak samonté mbolem li ki ak di samonté day samonté mom ba kéro diwin su mu dem aji ji wat pour dem motali lool te lool non dafa contraignant trop te lepp lu mu ci def rek da fay wara rendi xat lepp lu mu ci def rek fay rendi xat ngir man ko fajj manam bu lelewé yi bu waté bob bi bu parfumé wo bu sango sabu bu am parfum bu def manam lu mu def rek bu andé borom kërëm bu joté borom kërëm manam lu mu def rek dabar bu joté borom kërëm mo ko ak bi day yaa après té di obligé rendi xar bi à chaque fois mu def ko ba paré day delu wat ci at bi ci tégu dama yoy manam ya beaucoup de contraintes yu tégu ci ay kaw yoy mom motax ñu muy lool di dagal mais sinon su fé contraint dagal na mo ci koor kon yantu bi sallallahu alayhi wa sallam don na wax jigeen ñi néne au lieu ngeen di fay wéru koor ak ngeenel gi ci nek ci wéru koor wor jour koor manam jour yi nga xamantene ñom ñoy jour ci seen bop ba nga xamantene même ki fébar borom bi daf ni wa anta sumu khairul lakum té ngeen wor de mo gën même ki fébar su fekkentene fébar bobu téré wu ko wor mu ne la am nga droit bañe wor hein mais sax nga wor mo gën parce que jour koor gi dafa am ay spécificité yu ci ne yo xamne nekul ci benen bëss bu nekul ci bir koor gi ba tax mu ne ku dog benn jour wéru koor té tay ko fi ba ngay dé so manam fi ba aduna tukki so don wor do mu remplacer jour bob kon manam nga gis ni jour koor gi amna spécificité yo xamne nekul ci benen jour wéru koor amna ngeenel yu ci nek nga xamne benn jaamu yalla farata bo ci def dañ koy multiplier par 70 et que benn jaamu yalla sunna bo ci def dañ lay at dañ lay jox tiyabay ku def farata manam lolu ngeenel yoy non yoy yit bu don ne lolu don na dagan nit ñi diko def pour wéru koor bi kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam don na wax jigeen ñi don na len ko xelal kam wala bok da nañ gis ci jigeen ñi manam ci salafi ci sahaba ay radhiyallahu ak ñeneen ñi teggu ci ñoo ñu ko don def té comme xamuñu ci ñom kenn ku ko ci def bo wa li ñu mëna dogo ci moy né loolu dafa harama def ngir né duñ ko fay jigeen wala taala am dama commencé wax légui moy ci laaj moy bu amé xam spécial wa manam lima ci bëgg wax mom moy lo xamantene comme dafa am ay xam nga comme par exemple parfum xam nga parfum su fekkentene dang ko jël nga tiss ko ci sa gemmin bi mu duggu lool da yak sa koor niki nonu bude ciuray la bo xamantene dafa for lool ba nga xamantene day mujjé nek ben genre voilà day melni ben genre manam lo xamne dang koy noy go xamantene danaka wala et que ce bi manam day dugg ci ce bir bi ngay yit sax yow tiakal ni ba ci sepp djit voilà mais lu kuy tukh par exemple exactement lolou moy exemple tukh comme ki tukh rek bu fekkentene genre bobu la lolou effectivement day yak koor mais su fekkentene comme ni la rek du poudre ngelaw la ni rek lolou du yak koor lepp lo xamantene boudé côté perfusion yi su fekkentene par exemple dilay dundal manam par exemple ki nga xamantene dañ ko moy ñoo ñu xamne dañuy fièvre bañ sampal leen ay bouteel bu ko defé pour ñu mën ci wé lolu ñu mën ci dundé plutôt mo muy remplacer dundu gi effectivement lolu da yak koor voilà parce que mbir mi ci bopom day remplacer dundu gi voilà yamul nak ak ki nga xamantene dañ koy ñak manam day vacciner wu fikir yi nga xam wala yoy nga xamne comme possible ñu lay pikir bob xet bob lolou du yak koor parce que dundo ci nit ki dundu ci da xawma lan moy caractéristique lan lay def manam dal ci gattal caractéristique yi mëna wax li la bob day régler ci pour pour régler Voilà. Non, non, donc il est Voilà, mais non, attends, est-ce que des de fait Voilà. Agale tere xiy fuk jet ak yu mel non. Manam lool rek moy question bi. Lool mom lepp lu ci duggu day yaq xor lepp lu ci duggu du yaq xor. Parce que mbir yi manam il faut ñu comprendre lool il faut ñu comprendre né ñu bari xal manam mbir yi dafa am ay règles manam li ëpp solo ci ñu xam ko moy d'abord règles yi té buñuy ci sank lool la doon wax manam buñuy jang il faut que ñu xam né manam duñu fi nek di traiter choses yi cas par cas et que tous les cas de figure ndax li ci la manam mbir mi du déme non dañ nan li moy règle bi nang ko xamé ni joxé ci quelques exemples lool moy ndar ñul jang bi sino jarul ñuy tuddu à chaque fois li moy ki dalil bi li le preuve bi man après d'autres amati sens du tout d'autres amati sens parce que su fekkenté né lool la rek ben kon dañuy ñew rek commencer jeul cas de figure répertorié nan cas de figure bi li le cas de figure bi mais duñ xam lan moy cause comme ñu résumer cas de figure yi ñu fi wax yépp amulon jamono yentou sallallahu alayhi wasallam mais borom xam xam yi dañ koy génné wi ci règle générale man lu xamné bi la maintenant cas de figure bi la mais ay exemple lañuy mëna joxé mais après nak à chaque fois que nit ki benn bir concerné ko mom ci cas de figure bu général bi mën na ci xamé li nga xamné mom moy particularité yi té lool moy ñu manam parce que cadre figure yi duñu jeex événement yi kon circonstance lool du jeex té nouveauté yi tout temps day am tout temps ya des nouveautés jamono yi dañuy soppeku période yi di soppeku circonstance yi di soppeku selon localité et cetera ak solo jamono yi ñu tollu solo nouveauté yi solo découverte yi Donc il faut que nous bâillons tellement. Qui veut voir là ou là